Soyez tous salués. Merci une fois de plus. Merci encore. Merci. Merci. Merci pour tous ceux qui ont répondu présent à cet appel. Soyez donc tous salués. Je crois que la communication n'est peut-être pas bien passée. Veuillez me pardonner, mais je vais lui faire une petite vidéo prélude à l'enseignement de ce soir. Comme je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas abonnés à ma page Facebook, et mon fils Bernardo probablement dû oublier de faire passer cette vidéo sur les forums. Mais j'ai tellement répondu à beaucoup de questions ce matin que, au lieu que je fasse une audio séparée, mais je crois que j'ai fait mention dans l'une de mes réponses que ce soir, je tiendrai quand même à venir donner un enseignement. L'enseignement de ce soir, effectivement, C'est pour vous permettre de poser plus de questions. Et comme je le disais ce matin, d'entrée de jeu donc, ces questions vont être précédées par la thématique du jour qui est basée sur une grande question, en fait sur deux grandes questions. Première, est-ce qu'il est possible que dans un couple, votre épouse, puisque c'est le cas d'espèce, et j'ai fait la connaissance d'un jeune compatriote qui vit ici aux États-Unis, moi je ne savais pas, ils sont tellement nombreux, au fur et à mesure je les découvre, et celui-ci vit dans une petite ville de l'État de Georgia, donc l'État de la Géorgie. Il vit donc dans cette ville-là, très éloignée, très très loin dans la campagne. Et je vous informe que l'État de Géorgie, ou Georgia, Georgia State, Alabama State, donc l'État d'Alabama, l'État de Missouri, il y a un autre État dont les gens parlent peu et rarement, l'État de Iowa, l'État de l'Ohio. Et probablement Denver. Pourquoi je cite ces États? Parce que ce sont des États qui font des pratiques, je vous dis, plus dangereuses que chez nous en Afrique, pour votre information. Eh bien, je ne vais pas rentrer, aujourd'hui n'est pas l'objectif de l'enseignement de ce soir, pour vous parler des pratiques magiques et sorcières plus élevées. Entre-temps, ils sont en train de nous insulter, nous les Africains, que nous sommes des superstitieux, que nous sommes des sorciers, mais je vous dis, hein, la vraie sorcellerie c'est ici. Et votre humble serviteur en a bénéficié. De ces pratiques sorcières, effectivement. Justement pour dans la curiosité de ma culture. Donc, ça, c'est le premier phénomène que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vous ai promis, dans la vidéo de ce matin sur Facebook, qu'il y a trois phénomènes, enfin, il y a trois explications que je vous apporterai ce soir. Et comme d'habitude, hein, je vous laisserai le soin de poser beaucoup de questions en rapport avec cette thématique. Certains peut-être auront déjà des réponses, habitués à mon érudition sur la matière, c'est-à-dire habitués à m'entendre expliquer les sujets très bien. Si vous êtes satisfait donc de l'explication que j'apporterai et que vous n'auriez plus d'autres questions en rapport avec la thématique du jour, vous pouvez toujours poser des questions qui n'ont rien à voir avec la thématique. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vous qui êtes autorisé à poser des questions. La discipline exige que, bien sûr, c'est à la fin. Je suis en train de faire juste l'introduction. Donc, la question donc, d'aujourd'hui qui va ouvrir le débat, il y en a deux. Premièrement, la question sur les femmes qui se font posséder sexuellement, mariées ou pas mariées. Mais le cas d'espèce qui m'a beaucoup chagriné, je discutais avec ce frère-là, donc il cherchait à me contacter depuis longtemps. Il me dit, il est difficile de m'avoir. C'est vrai, c'est pour des raisons de sécurité, ceux qui ont connu ma vie politique et tout cela. J'ai dû mettre beaucoup de sécurité autour de moi. Et ce pays qui m'a accueilli est obligé de le faire pour ma sécurité. Mais n'empêche quand même que le jeune a réussi par ma page Facebook. Quelqu'un a dû lui donner des indications. Alors, il avait les larmes aux yeux. Donc, je lui ai demandé s'il pourrait éventuellement venir témoigner devant le public aujourd'hui. Pas nécessairement décliner son identité parce qu'il a de la famille au Gabon. C'est vrai qu'il est venu ici depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'il est ici. C'était un groupe de jeunes qui avaient quitté le Gabon il y a de cela bientôt 20 ans. Ils sont venus chercher le bonheur. Ils sont venus chercher, plutôt, ils sont venus chercher la vie, l'aventure. Malheureusement, l'un d'entre eux est mort. Il était mort à Las Vegas. J'étais même ici, c'est très triste. Bref, je ne veux pas revenir dans ces moments. Mais c'est juste pour vous rappeler que l'histoire que vous allez vivre ce soir est une histoire vraie. Et il a cherché à me contacter, il m'a donné son numéro de téléphone. Alors, je vous parle, il travaille dans une grande compagnie de transport, Trucking Company. Donc, Trucking Company, c'est des sociétés de transport, de remorques. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça paye même plus que moi qui travaille, qui suis fonctionnaire, je vous signale. C'est des mecs qui se font beaucoup d'argent. Alors, donc, sur cette expérience que le jeune a vécue, en tant qu'initié des grands mystères et de la sorcellerie, je vais donc ici vous donner des explications purement sorcières, mais expliquer comme des mortels qui certainement vivent ce genre d'expérience. Je vais vous donner trois raisons fondamentales. En fait, il y en a quatre, mais j'ai plutôt plus trois qui sont beaucoup plus liés avec ce phénomène. Et la deuxième question, naturellement, c'est sur les recommandations que j'ai données à la plupart des personnes qui me suivent. Recommandations selon laquelle, lorsque vous commandez un livre magique, quelle que soit la magie, je recommandais aux gens de lire le livre pendant 28 jours. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nombre 28? Comme je l'ai dit sur Facebook, aucun maître, aucune société magique ne pourra vous expliquer ce phénomène. Pardonnez-moi, c'est de la distraction, là je vais arrêter ça. BlackBerry BB1005 disconnected. Thank you. Donc, aucun livre ne va vous expliquer ce phénomène de 28 jours. La plupart des éditeurs ou des écrivains, votre humble serviteur, n'est peut-être pas encore connu du public, mais c'est tout un désordre là. J'ai des centaines, bientôt j'arrive même à 1000 pages. Je ne fais qu'écrire chaque jour tous les enseignements que je vous donne. Il y a un software, what is it, a software in French? Il y a un système informatique qui fait en sorte que tout ce que j'ai dit ici, peut être retranscrit et je demande à imprimer cela et je viens seulement corriger pour la préparation de mes livres. C'est pour vous dire que chaque initié, quand il écrit un livre, la plupart des initiés, normalement, ils ne vont jamais vous donner ce secret-là. Par souci peut-être de quoi, je ne sais pas. Ou bien les gens veulent se faire de l'argent, je ne sais pas. Et cette information, je l'ai eue de bouche à oreille auprès des mages. Donc voilà, sur ces propos. Et ensuite, je vous expliquerai une expression. Quelqu'un m'a posé également une question dans mes courriers qu'est-ce que ça veut dire les voies du Seigneur sont impénétrables? Est-ce que c'est vrai que ces voies-là ne peuvent être, restent réellement des voies impénétrables? C'est-à-dire, le Seigneur, c'est un Dieu des mystères, c'est un Dieu des voies impénétrables. Vous avez sûrement entendu parler de cette expression. Je viendrai également l'expliquer. D'entrée de jeu, je vais appeler le frère tout à l'heure, mais permettez-moi quand même déjà de vous dire que la femme qui se fait prendre sexuellement pendant qu'elle dort, parmi vous, il y a certainement des personnes qui ont entendu la partenaire gémir. Et c'est très embarrassant parce que même ceci, même après que vous eussiez ou que après avoir eu l'acte sexuel avec votre épouse, vous avez comme l'impression peut-être qu'elle continue à avoir cet acte-là par rapport à vous. Mais loin, loin de là, là n'en est pas. Ce cas précis, c'est que à chaque fois, la femme fait l'amour, elle gémit, elle jouit même, elle se réveille de là vraiment, elle est. Non. Pour nous qui sommes initiés dans notre tradition gabonaise, on penserait plutôt que c'est le Mbumbaï à nous. C'est-à-dire que on penserait que c'est le phénomène de femme de nuit ou de mari de nuit. Donc, si on n'a pas une connaissance élargie, une grande connaissance dans mille et une magies, on peut se dire que, ah, sûrement c'est son génie, c'est son mari de nuit qui la couche. Mais je vous informe que cette affaire-là n'est pas forcément vraie. Parce que quand la femme est déjà mariée à un homme, selon les deux méthodes chez nous, c'est-à-dire traditionnelle d'abord, il y a échange de bénédictions et tout, et tout, et tout, tout l'échange des joues, des mains, des cadeaux. Le mari de nuit, là, il y a des cérémonies qui se font. Le Mbumbaï, on appelle ça. Ces cérémonies, c'est pour supplier le mari de cette femme-là. J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir dessus, il y a des vidéos disponibles. Ou bien la femme de cet homme. Donc, on harmonise les âmes. Ce qui fait qu'au cours du mariage, il sera rarement, je dis bien, il y aura rarement irruption de ce mari de nuit pour venir perturber votre foyer. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Il existe dans le monde de la parapsychologie des phénomènes. En parapsychologie ou étude du paranormal, tout ce qui est paranormal veut dire que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer à l'état normal. Le commun des mortels a des questions. C'est-à-dire que quand l'homme vit dans ce questionnement permanent, il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi cela. Eh bien, dans certaines sociétés secrètes, et même dans certaines grandes écoles de philosophie, telles que l'école que j'ai fréquentée, qu'on appelait Alpha International, de M. Bernard Lancelot, que j'ai recommandé à beaucoup de personnes ici. Là-bas, j'ai atteint le summum, le plus grand niveau. Il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de possession. Ce phénomène de possession, c'est quoi? C'est que volontairement, il y a des individus, et là, je parle de la sorcellerie pratique ou bien de la magie pratique, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des études du développement de soi. Donc, dans ces chapitres du développement de soi, il y a plutôt dans ce cursus ou dans cette étude du développement de soi, il y a un chapitre qu'on appelle phénomène de possession, volontaire ou involontaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le mot le dit, possession, c'est posséder. Comment ça se passe? Il y a des gens, une fois ils ont maîtrisé la séparation corps-objet, j'appelle ça séparation corps-objet, c'est-à-dire que une fois ils ont maîtrisé la sortie astrale, donc la bilocation, ils sont à mesure. Allez, je suis sur mes vieilles vidéos là, ils datent depuis 2 ou 3 ans où j'expliquais mes expériences quand je faisais. Et même dans la vidéo de bienfaits et méfaits de la sortie astrale, j'expliquais que je profitais aller rentrer dans les maisons de certaines femmes qui me rendaient la vie dure, aller leur faire l'amour devant le mari. Et des fois, elles se fâchaient, se réveillaient le matin, alors que je ne les avais jamais physiquement couchées. Et le lendemain, donc, je dis, mais écoute, puisque je l'ai fait là-bas, est-ce qu'on peut le faire dans la réalité? Et elle était obligée de céder. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de possession tel que défini par la parapsychologie ou encore l'étude du paranormal. Donc, premier phénomène, c'est un phénomène paranormal, c'est-à-dire que c'est un phénomène scientifique. Vous, femme comme homme, vous pouvez suivre un entraînement. On vous montre comment vous pouvez aller posséder quelqu'un d'autre, spirituellement parlant. Donc, de votre lit, de votre maison, ou même de votre bureau, quand vous avez atteint un niveau très avancé, la règle d'or, vous maîtrisez la respiration, vous respirez 3 fois, et après ces respirations, vous sortez consciemment. Donc, on appelle ça projection astrale. Donc, vous vous projetez. Et quand vous vous projetez, vous allez déjà localiser l'endroit où se trouve l'individu en question. Deux fois, elle est même au travail. Deux fois, elle est en train de faire à manger à son mari. Mais après, vous prendrez possession de son corps. Alors, la femme va sentir la présence de quelqu'un. Elle sentira quelqu'un qui la possède. Et quand cette personne la possède, effectivement, la personne va la pénétrer. Elle va vivre cette aventure comme si c'était réel. Et ils vont faire ce qu'ils vont faire. La femme va se mettre là, à gémir n'importe comment. Et c'est très embarrassant parce que ces mecs-là, ces sorciers-là, quand ils le font, dans quel but? C'est dans le but. Il va posséder cette femme-là, c'est dans le but de prendre ses énergies, en fait. C'est pour cela qu'il la possède. Donc, il y a des gens qui le font comme ça. Ça, c'est indépendamment des milieux sectaires, indépendamment des sociétés secrètes occultes. Juste, il veut exploiter le corps, il veut juste prendre ses énergies. Mais la question était fondamentale, c'est que la femme est avec vous sur le lit. Pendant qu'elle est avec vous sur le lit. Premier phénomène, c'est celui-là. Possession. C'est-à-dire, c'est un autre homme ou un ensemble d'hommes. Ils peuvent être nombreux à venir posséder cette femme. Ils viennent la posséder. Ils lui font l'amour. Ils font ça à distance. Et la femme sent la présence de ce mec. Et vous, le mari, vous êtes là, vous observez, impuissant. Elle gémit, elle fait tout. Vous la touchez, mais vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal. Si vous n'êtes pas initié, vous sentirez même votre corps se vider de certaines forces. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est familial. Il y a des familles, des parents, qui connaissent cette technique-là. Ils sortent en vampire dans le but de toujours aller satisfaire sexuellement cette jeune dame-là. Et ça, c'est un arrangement. C'est-à-dire que votre épouse, normalement, elle est consentante. Et je vous informe que l'amour que l'on fait dans le plan astral est très fort. C'est plus beau que l'amour qu'on fait dans le plan matériel. Je vous informe, hein, puisque moi-même, je le faisais. Même l'amour qu'on fait avec les femmes des eaux, la femme de Mami Wata, je l'ai fait. Je vous dis, c'est un plaisir fou et c'est pas facile de s'en débarrasser. Voilà pourquoi la plupart finissent toujours seuls. Ils ne veulent pas avoir des femmes dans leur vie. N'allez pas me demander pourquoi. D'habitude, je peux expliquer, mais ça fera l'objet de notre enseignement. L'explication de ce courant subtil, de cette force, de cette énergie qui se dégage. Donc, la deuxième raison aussi de possession sexuelle, c'est un parent qui, avec l'entente de la femme, premièrement, ils s'entendent, mais de temps en temps, il vient la faire là-bas. Et vous, l'homme, vous êtes quand même à boule posée. Et dans mes expériences également, la troisième raison, elle est scientifique. La troisième raison scientifique, c'est quoi? Bon, moi, je l'ai expérimenté hein, jusqu'à l'âge de 25 ans. Je ne connaissais pas les femmes. Alors, je rêvais de temps en temps que je faisais l'amour. Et quand je rêvais que je faisais l'amour, je jouissais dans le rêve. Et quand je me réveillais, les draps étaient mouillés. Donc ça s'appelle la décharge de votre libido. Cette décharge de la libido également, ça peut être un phénomène qui peut vous troubler l'esprit, que votre épouse est là, et paf, ça déclenche comme ça. Mais ça, c'est rare. Ça peut être la même chose aussi pour l'homme. Donc il est là, vous constaterez qu'il le fait. Bon, succinctement, voilà un peu les trois raisons, à prime abord. Mais je veux beaucoup insister sur la deuxième raison. Et avant d'insister, revenir sur la deuxième raison, je vais revenir ici pour vous parler des conséquences que cela fait sur l'homme. Parce que je vous dis tout à l'heure, je vais appeler le monsieur devant vous. Le pauvre, il était mal en point. Mais je lui ai fait des travaux à distance. Les États-Unis, c'est 53 États, plutôt c'est 53 États pour moi. Bon, il y en a maintenant 57. Les 57, c'est-à-dire 7 autres, c'est des îles, machin, les îles Samoa, Puerto Rico et tout ça. Mais officiellement, on a 50 États. Et j'ai des compatriotes au Gabonais ici, que les gens pensent que parce que je suis aux États-Unis, que forcément on se voit. C'est faux. Mon administratrice, par exemple, elle vit dans un autre État. Elle est à 8 heures de route de chez moi. Et ce monsieur, je crois qu'il est à 10 heures, voire 11 heures de route de chez moi. Parce qu'il est. Il vit dans l'état de la Géorgie, dans une petite ville là, où justement se trouvent tous ces grands sorciers-là. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences pour l'homme, lorsque ces sorciers, lorsque ce parent vient s'interposer et prendre possession du corps de votre femme, en prenant ses énergies vers cet acte sexuel, qu'elle aime bien, parce que je vous dis qu'elle éprouve ce plaisir-là comme ça. Alors, vous, puisque vous êtes son mari, si vous n'êtes pas un initié, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, laissez le mot initié de côté, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est spirituel, que ce soit religieux avant ou que ce soit dans nos traditions, je vous dis qu'on vous suce vos énergies également. Ah oui, vous vous sentirez toujours absorbé, fatigué, parce qu'il vole également l'énergie du mari à travers le corps de la femme. Donc ça, c'est très important. Bon. On va passer de la parole à l'acte. Je vais essayer d'appeler le frère, s'il est disponible. Mais il m'a avisé que vraiment, il va être à la maison dans 2 ou 3 heures de temps, parce que c'est un bébé, il est chauffeur de remorques et il fait inter-état. Donc, il fait les grandes distances. Mais ça ne l'empêche pas de partager ici. Monsieur ou madame, posez les questions à la fin. J'avais déjà parlé de l'histoire des succubes et incubes là. Vous n'étiez peut-être pas là. Il y a un enseignement sur ça. J'ai dit de poser les questions à la fin. Bien. Je vais donc appeler le... Allô? Allô? Allô? Patrick? D'accord. Prends ton temps, s'il te plaît, parce que je sais que tu es en train de conduire également. Tu peux rester avec moi. Non, il n'y a pas de problème. Bien, tu m'écoutes? Allô? Bon, pardonnez, il est en train de mettre son Bluetooth. Et puisqu'il est en train... Allô? Oui, je te reçois. Tu me reçois? Oui, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, pardon. Vraiment. Bon, comment tu te sens? Oui, ça va mieux. J'ai un peu le sourire. D'accord. Ton expérience que tu as partagée avec moi là, ça date de quand? Ça fait combien de temps tu as vécu cette expérience de ton épouse qui est actuellement vous êtes séparés, n'est-ce pas? Oui, actuellement j'ai mon appartement. Mais D'accord. ça fait à peu près 7 mois déjà. 7 mois. Ouais. Bon, Oui. maintenant, Bon, ça. disons. Ah. Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais, disons que les 4 premiers mois, c'était un peu souple. C'est-à-dire, ouais, c'était un peu souple. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer, mais les 3 derniers mois, là, c'est clair, la situation s'est vraiment empirée. La D'accord. situation s'est vraiment empirée. Et puisque j'ai promis, je t'ai bien dit que je vais faire un enseignement, et c'est à cause de toi que j'ai voulu parler de ce sujet intitulé L'amour sexuel à distance a des buts de voler les énergies de la femme, donc du couple. Parce que aujourd'hui, toi, tu en es une victime. En dehors du fait que la femme a vécu cette expérience, que les hommes couchaient avec elle-même pendant ton absence, et on parle ici de l'amour, pas physique, c'est-à-dire réel, mais par l'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes expériences en quelques minutes, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as vécu avec cette femme-là quand les hommes venaient à la maison? Et quelles sont les précautions que tu as prises selon la technologie que nous avons à notre disposition pour pouvoir être sûr de ces expériences-là? C'est-à-dire, ma femme a rencontré un garçon sur Facebook. Et je crois que le garçon, il fait partie d'un groupe de personnes, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Mais quand ils ont commencé à se voir, elle a commencé à découcher. Et quand elle a commencé à découcher, je suis allé au Walmart payer les recordings, les trucs de journalistes là. Oui. J'ai payé ça et à chaque fois que je partais au travail, comme je commence le travail très tôt, à 4h, 5h du matin, je pars et je rentre le soir tard, vers 19h, 21h, je suis à la maison. Et donc, je fais le recording au Walmart pour savoir exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'elle parle au téléphone, de quoi il s'agit. Donc, à chaque fois que je passe au téléphone, je fais le recording. Quand je reviens, j'écoute le recording. Au départ, c'était des gens qui venaient à la maison, chez moi, dans ma maison. Elle a fini de faire ça dehors. Maintenant, elle a amené les gens jusque chez moi, jusque dans ma maison, sur mon lit. Ensuite, mais maintenant, je ne pouvais plus les voir. C'est-à-dire, les recordings me faisaient comprendre que les gens étaient toujours là, même pendant que je suis là dans la maison. Ils sont là avec ma femme. Bon, attends, je Ma vais femme m'a allongé t'interrompre. sur le lit. Attends, Oui. pour essayer de guider l'auditoire ici, les gens, les auditeurs, quand tu dis que même Ah. pendant que tu es là, ils sont là, est-ce qu'ils étaient là physiquement à côté de ta femme? Non, non, ils ne sont pas là physiquement parce que je ne peux pas les voir. Moi, je D'accord. suis dans la maison, je suis c'est-à-dire, on est même dans la chambre, dans ma chambre. Ma femme est allongée sur le lit. Les enfants sont là, nous sommes là, tout le monde est là dans la chambre. Mais pendant que nous sommes là en train de parler, elle est en train de faire l'amour sur le lit. On ne les voit pas. Ouais. Mais comme j'ai toujours mon recording, c'est mon recording. Après ça, le lendemain, j'écoute ce qui s'est passé. Le recording, mais le recording, c'est quelque chose de très fort. Je ne savais pas que le recording pouvait enregistrer même les esprits. Oh, mais Je ne oui, savais pas ça. il y a un show ici aux États-Unis, puisque tu es ici depuis longtemps, plus d'années que moi, il y a un show qu'on appelle The Ghost Hunters, c'est-à-dire les chasseurs des esprits ou des fantômes. Ils ont des appareils. Mon Dieu, c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a fait connaître la réalité en fait. C'est ça. Si je n'avais pas ça, ils allaient me tuer comme ça. Ils allaient me tuer. Et pour eux, je suis déjà mort. Pour eux, je suis mort. Parce qu'ils ont pratiqué. C'est comme un film, comme un film. J'arrive à la maison. Quand j'ai déménagé de la maison, quand j'ai su que c'était la maison, prendre les enfants, les amener chez moi. Et quand je vais leur prendre chez moi, ils font des films. C'est-à-dire, j'arrive, je ne sais pas, ils ont des photos de moi, ma femme leur a donné mes photos, je ne sais pas. Ils disent, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais ils disent que c'est des chaînes. Donc, ils m'ont enchaîné. Et une semaine plus tard, je repars encore prendre les enfants. Maintenant, c'est notre film. Là, où ils ont ma photo et ils tirent maintenant sur moi. C'est-à-dire, je ne sais pas. Ils tirent. J'écoute trois, dans le recording, trois coups de feu. Et il y a quelqu'un qui fait comme s'il tombait. Il tombait. Et j'écoute. C'est comme si maintenant, ils étaient maintenant en train de manger le corps. Et ma femme leur demande, vous êtes satisfait? Il y a un qui répond oui. Wow. Et pendant toutes ces expériences, toi dans le plan physique, comment était ton corps durant tout ce temps avant que je ne fasse ta connaissance il y a seulement 2 jours? Comment tu te sentais toujours? Même avant ça, même avant que je ne je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien à chaque fois. Quand je me lève le matin, mon corps est lourd. J'ai souvent le mal de tête. Je me sentais pas bien. Je me sentais même les veines au niveau de la nuque qui me tiraient. Bien. Tu peux te présenter au public. Hein? Tu peux expliquer au public exactement de quel pays tu es originaire et que ceci se passe étant aux États-Unis et que la femme que tu as n'est pas africaine, elle n'est pas gabonaise. Tu peux reprendre. Je disais que est-ce que tu peux succinctement dire à l'audition ici, à l'auditoire, que ton pays d'origine et de dire que la femme. De nous confirmer ici là que la femme en question n'est pas africaine, hein, mais que c'est une femme américaine née dans ce pays. Oui, bien sûr. Moi, je suis de nationalité gabonaise. Je suis gabonais. Et j'ai rencontré ma femme ici. Les gens savent que quand on arrive ici sans papier, il faut forcément passer par le mariage pour avoir les papiers. Donc, je suis passé par là. Mais quand je l'ai rencontrée, la fille, c'est une fille bien, sans problème, qui ne boit pas, qui ne fume pas. Une fille sans problème, une fille bien élevée. Mais c'est leur truc de Facebook, là, je ne sais pas. Et les femmes qui ne sont jamais satisfaites, je ne sais pas. Finalement, bon, voilà un peu. Voilà. Et maintenant, je vais te donner une technique toute simple depuis que tu m'as contacté. Et dès que tu as commencé à l'appliquer, il y a seulement combien de jours? Je crois que tu l'as fait seulement avant-hier, c'est ça? Oh, ouais. C'est le conseil que tu m'as donné. Ouais. Le conseil que tu m'as donné qui m'a soulagé. C'est hier que je fais ça parce qu'avant hier, je suis sorti tard du travail. Je n'ai pas pu faire ça. Ouais. Même hier, quand je travaillais, j'avais toujours le mal de tête, je ne me sentais pas bien. Oui. Mais hier, quand je suis rentré à la maison, je suis allé au Walmart, j'ai payé tout ce que tu m'as demandé de payer. Oui. Et ensuite, après manger, j'ai pris un bain. Comme j'ai une amie qui m'a dit que souvent, il faut prendre le bain avec le sel et le citron mélangé. Oui, c'est vrai. Pour me laver le corps. Oui. Et donc, après le bain, j'ai fait la prière, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. Oui. Mais une fois après faire, j'ai même pleuré. Une fois après faire ça, je me suis senti bien dans la maison. Parce que même dans ma maison, je me sentais plus bien, même dans ma maison. D'accord. Quand j'arrive dans ma maison, je suis là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Je ne me sentais pas bien. Merci beaucoup. Hier, après faire la prière, je me suis senti libéré. Wow. J'ai dormi, je me suis levé avec le sourire. Franchement. Je suis en forme aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, tonton. Bon, Patrick, ce n'est pas fini. Hein. Ça, ce n'était que le premier jour. Et rassure-toi qu'on va continuer à faire ce travail. Il y a d'autres éléments que je vais ajouter pour maintenant détruire ces esprits qui rentrent dans le corps de ta femme. Et tu verras, il y aura des témoignages de certains d'entre eux qui vont même mourir. Et ça, je te le rassure que ça, je vais accélérer le processus. Ce que je voulais d'abord faire, c'est de te couper. Là, je t'ai coupé. Par cette technique, ça s'appelle la technique que tu dois te couper de, parce que tu servais également d'un pipe, de suction pipe. Et suction pipe veut dire que tu servais également de pipe qui leur permettait de sucer et de voler ton énergie à travers elle. Tu vois? C'est pour cela que tu te sens mieux. Mais tu verras, quand tu vas rentrer en communication, puisqu'on n'est pas encore divorcé, vous êtes en train de faire les papiers pour le divorce, tu verras qu'elle-même, elle va te faire un témoignage poignant. Elle va te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, merci beaucoup, Patrick. Vraiment, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi ici. Donc, nous allons continuer le travail. Et merci encore, merci. Je sais que tu es en train de conduire, tu es fatigué, plutôt un long voyage. D'ici là, ce soir, n'oublie pas, tu fais la même chose, tu fais ton bain. On appelle ce bain, c'est le bain énergétisant, c'est-à-dire tu te laves avec du sel et du citron, ces deux éléments à eux seuls plus l'eau, eh bien, tu verras que ça te rapporte l'énergie, c'est-à-dire que ça va boucler, si tu veux, ça te dégage des scories ou les ondes négatives. D'accord. Ouais, ouais. Et d'accord. Puis, il y a d'autres techniques que je te communiquerai dès que tu arrives à la maison, que tu puisses commencer à faire certaines d'autres choses. Merci encore, Patrick. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton. Merci. Je t'en prie. Bye-bye. Ah. Bye. Bye. Bien. Voilà un peu le frère, un jeune frère. Il vous a tout dit. C'est un jeune Gabonais qui est venu ici. Il était un grand artiste pour une grande troupe gabonaise. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était un grand artiste, je vous répète. Hein. Un grand artiste, c'est-à-dire qu'il était au niveau international. Il voyageait à travers le monde. Il y avait lui et il y avait un autre frère, malheureusement, qui avait été tué dans des circonstances bizarres dans l'État du Nevada, à Las Vegas. Vous avez sûrement entendu parler de la mort de ce jeune artiste. Les fameux acteurs du cirque, le cirque de machin. Il y avait un groupe qu'on appelait... les cirques gabonais ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour ceux qui se rappellent très bien que la bonne mémoire, voilà, ce jeune-là que vous entendez, ce monsieur qui parlait avec moi, faisait partie de cette troupe-là. Bon, vers les années, je crois, 2000, hein, il est venu ici, il est venu chercher la vie, et puis voilà. Et voilà l'aventure qu'il rencontre. Il rencontre cette jeune femme américaine. Mais cette jeune femme américaine, qui était pourtant très bien, un conseil à l'endroit des frères et sœurs qui tombent amoureux des gens n'importe comment sur Facebook. Vous vous rendez compte? Cette jeune femme, le frère vous a témoigné, et je ne vous ai pas dit, ils ont, je crois, 4 gosses. Ils ont des beaux gosses. Il m'a montré les photos, il m'a envoyé l'album. Mais mon Dieu. Donc, ils ont mis du temps ensemble. Quelle mouche l'a piqué? Elle est allée dans les histoires de Facebook. Et dans Facebook, elle a rencontré donc ces jeunes-là, et plutôt ces messieurs-là, et elle ne savait pas. Et quand je fais les consultations à ce monsieur que vous avez écouté, M. Patrick, je ne vais pas vous dire son nom de famille, j'ai découvert qu'effectivement, c'est une secte très, très influente au niveau de l'État de la Géorgie. Et cette secte-là fait concurrence à la secte de KKK, qui est la secte suprémaciste des Blancs, et qui a également des pratiques magiques sorcières dans ces milieux-là. Ils utilisent la croix et autres. Mais ils ont besoin du sang. La seule manière d'avoir besoin du sang, ce n'est pas de tuer littéralement des individus. Vous avez suivi les explications du frère qu'il faisait des cérémonies simulés, hein, des coups de fusil et autres. Donc, ils avaient la photo du frère, puisque je sais, quand il est... parce qu'il n'est pas initié. Moi, j'ai été introduit par quelqu'un qui est initié dans ce genre de pratique. Je vous dis l'État de l'Ohio, l'État de l'Iowa, l'État de la Géorgie, de l'Alabama, de Missouri. S'il y a des États, quand vous venez aux États-Unis, vous qui venez en aventure, il faut éviter d'aller n'importe comment si vous n'êtes pas un sorcier comme moi. Moi, l'État de l'Ohio, je connais. Ah oui, il y a les pratiques sorcières ici. Hein? Je vous avais bien dit que le temple des Lucifériens, le siège se trouve ici, à Dayton. Et ils ont également un deuxième siège au niveau de New York. Les adorateurs de Lucifer, ils boivent du sang, le sang humain. Je vous avais expliqué comment ils font pour avoir ces coupes de sang-là. Mais il y a certains crimes isolés qu'ils font. Bref, le cas d'espèce donc de notre cas du frère, vous avez vu, ça c'est un cas de possession. Le pauvre, il vous a dit, hein, vous avez écouté le témoin, je ne veux pas tout gaspiller, vous allez re-suivre la vidéo. À travers lui, on prend, à travers la femme, on voulait le tuer. Et vous avez vu, et je n'ai pas demandé un franc au frère. Parce que ça, c'est un cas d'urgence. J'ai senti la mort, le désespoir. Donc, je lui ai donné quelques clés, parce qu'il m'a dit qu'il est chrétien. Donc, je lui ai donné un seul verset de la Bible et une prière et quelques éléments que je lui ai demandé d'aller acheter. Vous-même, vous avez écouté. En moins de 24 heures, il se sent comment? Et là, ce n'est pas tout. Ce soir encore, je vais l'appeler, je vais lui donner d'autres éléments. Il doit, parce que je lui ai dit de faire ça pendant 90 jours. Pendant les 90 jours, même avant 90 jours, ces hommes-là qui sucent les énergies de sa femme et qui sucent les énergies à travers sa femme, certains, mes génies m'ont dit qu'il y aura deux qui vont mourir. Et les deux qui vont mourir, ce sont les leaders. Parce qu'ils ont porté atteinte à Patrick. Voilà pourquoi j'ai demandé le nom du père de Patrick, son nom de famille, tout, tout, tout. Ah oui, là, je suis rentré dans la haute sorcellerie brésilienne de Malamacumba. J'applique cela. Parce qu'il faudrait que ce frère, même si, parce que je lui ai dit de divorcer avec la femme, certes, elle a été manipulée, mais il doit la divorcer. Il ne peut pas continuer comme ça. Dommage qu'après le divorce, la femme va avoir des problèmes. Bon, ça, ce n'est pas notre business. Elle est américaine, elle est née ici, là. Bon, moi, je m'en fous. Moi, c'est mon frère gabonais. Bien. Ça, c'est le premier aspect. Donc, vous avez suivi le témoignage. C'est la possession. Pour ce cas d'espèce, c'est la possession. Elle est possédée par un groupe. Parlant de Facebook, je le répète, évitez d'accepter les amitiés des gens n'importe comment. Au Gabon, il existe même un club. Même des 1001 clubs. Des clubs, des « Oh, toi, on va te faire plaisir. Oh, toi, là, nous sommes là, on va te faire sucer, ceci, cela. » Plein des histoires qui se créent maintenant sur Internet. À Libreville, il y a des clubs de prostitution. Pardon, à Libreville, au Gabon, je vous l'ai dit. Il y a maintenant des groupes Facebook de prostitution, des groupes Facebook pour procurer du plaisir aux gens, pour faire des placements. Faire des placements, c'est-à-dire placer des jeunes femmes aux hommes. Mais mon Dieu, moi, quand je vois des gens qui me demandent des amitiés sur Facebook, attendez, ça m'énerve vraiment, pardonnez-moi, je ne suis pas énervé, mais c'est des choses, quand on vous parle ici, là, vous ne voulez pas écouter. Heureusement, toutes, j'ai enlevé Facebook user, voilà une personne, Facebook user. Je lui ai bien dit, je ne veux pas entendre parler de toi. Voilà, tu as vu, elle est partie, hein? Elle est partie. Et j'ai découvert même que ce n'est pas elle. C'est un mec, origine du Nigeria. Il vient, elle est venue donner un faux profil à étudier au Havre en France. À étudier au Havre en France. Elle dit que vit à Dundi, New York. J'ai vérifié à la fin de fin, 0-0. Voilà comment ça a commencé la conversation. Elle me demande, comment ça va? J'ai dit, je veux bien, merci. Ah, moi, je suis... Pardon, je ne vais pas citer le nom du pays, c'est les choses la honte. Vivante au Canada, est-ce que tu viens souvent? J'ai trouvé genre des clics. Quoi c'est? Tu as me tutoyé, tu ne me connais même pas. Ça continue. Elle me donne sa fonction. Et je fais ceci, cela. Et toi? Ça déjà, ça tique. Je dis, ok, je veux continuer. J'observe, je n'ai pas dit un mot. Oh, mais parle-moi un peu de toi, Guy. Parle-moi un peu de toi, même tes préférences et ton passe-temps. Je ne dis rien du tout. Maintenant, les esprits commencent à me parler. Les esprits me disent que non. Ça là, c'est du banditisme, ça. J'insiste, je dis, appelez-moi tout de suite. J'ai dit, appelez-moi. Oh non, mais je travaille. J'ai dit, appelez-moi. Et maintenant, la personne me poste et me fait l'appel avec une vidéo d'une femme qui ne parle pas. Je vois, je dis, mais franchement. Je ne dis toujours rien. Je raccroche. Oh, c'est la personne qui continue. Oh, mais tu es sympa, hein? Tu es très bien. Tes loisirs, c'est quoi? Moi, j'aime ceci, j'aime cela. Écoutez ma réponse. Moi, je suis en train de lire ça en live, là. Un, madame ou mademoiselle ou monsieur qui est caché derrière un profil de femme inconnue, je ne vous cache pas, voici cela. Voilà cela. C'est devenu face user, au nom de la personne. Et ça, elle a fouillé. Parce que vous allez suivre la suite des messages que je lui ai balancés. Quand vous dites que faites attention aux histoires de conneries de Facebook. J'ai dit ceci. Pour votre information, un, je suis utilisateur de Facebook pour des raisons, pour deux raisons. Des raisons d'abord, de un, de part, mon engagement politique pour mon pays, et de deux, pour éveiller les consciences des Africains à travers le monde, et j'apprécie votre intérêt à ma personne J'espère que votre centre d'intérêt pour ma personne, c'est un centre d'intérêt sur la spiritualité, rien que sur la spiritualité. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Zéro, aucun message. J'ai continué. J'ai dit ceci. Si vous souhaitez être ami avec moi, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à ma chaîne, Tetanzambe le Tout-Puissant Kana. Et ainsi, nous pouvons, à travers cela, vous permettre de rentrer dans le temple du savoir et d'avoir accès à la grande connaissance universelle. Mais je veux être une fois de plus clair et honnête avec vous. Nous ne nous connaissons même pas. Et vous osez me tutoyer. Je vous en prie, vous n'êtes pas une femme parce que derrière ce profil de femme se cache un individu que je suis prêt à démasquer et devenir ensorcelé immédiatement parce que je vais invoquer mes quatre démons qui se trouvent dans les quatre coins de la terre immédiatement et sont capables de rentrer dans votre compte Facebook. Voilà ce que j'ai dit. Ouais, ça dit quoi là? Facebook user. Alors que je connais le nom de la personne. Oui. La femme du frère, c'est ce qu'elle a fait. Elle est rentrée dans les histoires de Facebook. Où est-ce qu'on est retrouvé? Avec les histoires de Facebook. On n'allait pas là. Mes frères, mes soeurs, vous qui êtes au Gabon, mon pays d'origine, et de manière générale en Afrique, est-ce que vous êtes là en train d'accepter n'importe qui comme ami parce qu'il est ami de tel? Moi, je vous dis, je connais quelqu'un qui a osé dire que c'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Il a insisté de me demander l'amitié. J'ai dit, mais c'est qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit, ok, je le vois venir. J'étais en France. La personne insiste. Toujours cette histoire de Facebook. Oh non, mais vraiment, il m'exhibe toutes les photos hein, de la réunion de vice-président. Théodoro, vous le connaissez. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai des amis qui ont travaillé avec lui. Il a des affaires ici aux États-Unis. Donc, j'ai même eu le téléphone personnel de son Excellence, le vice-président de la République de la Guinée équatoriale, à cause de cet incident-là. La personne insiste étant en France, et moi, dans mes réseaux, je contacte un frère à moi qui est ambassadeur quelque part. Je dis, mais mon frère, tu m'avais parlé quand on était à New York ensemble, tu m'avais parlé du vice-président de la République. Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, ah, mais je vois que... Mon esprit d'initié m'informe que ce mec-là qui insiste que c'est lui le vice-président, je ne crois pas. Le vice-président ne peut pas insister. Quel intérêt il a pour moi? Il me dit, ah, laisse mon frère. Bon, peut-être il est intéressé à toi, mais je m'en doute. J'ai dit, ok, je vais continuer de répondre à l'appel de ce monsieur. Voilà, il me tente, il me donne son numéro WhatsApp, on se contacte. Est-ce que moi je vous cache mes choses? On se contacte. Et à la fin des fins, je lui dis, bon, écoutez, moi, je n'aime pas trop écrire. Est-ce qu'on peut s'appeler? Il me dit, non, là, je suis en réunion. Là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Toi, tu veux seulement avoir mes contacts comme ça? Attendez, je vais prendre son nom là tout de suite. Théodoro. Et voilà, c'est là. C'est là? Voilà, regardez le nom. Et si je vous cache? Vous voyez? C'est écrit quoi? Et la photo du vice-président de la Guinée équatoriale. Et qu'est-ce qui est écrit en bas? C'est parce qu'on ne pouvait pas bien voir. Il est écrit en bas comment? You blocked that business number. Je l'ai bloqué. Comment je l'ai couvert? Il rentre dans les conversations, il me dit non, il y a... Mais comme vous... Il me demande qui je suis. Mais moi, si je suis rentré dans le jeu, j'ai dit je suis un homme d'affaires, je suis en voyage ici. Alors comment je partais pour mon séminaire? Ça se passe là en janvier 2020. Je dis non, je suis un homme d'affaires, donc là, j'ai rendez-vous avec des grands hommes d'affaires français et tout et tout. Il me dit, oh, mais ça tombe bien. Pardonnez-moi. Il me dit, oui, ça tombe bien. J'ai une opportunité, une affaire qui est dans un village du nord du Cameroun. Il y a ceci, cela. Il m'a raconté tout son business d'une valeur de 7 milliards 400 millions de francs CFA et vous aurez 10%. Ok, 10% de 7 milliards, c'est 700 millions. Le calcul est simple. Ça veut dire que moi, mon rayon ouvre. Je vais être en possession des 700 millions de francs CFA ici. Et que moi, je vais être le gars qui va aller faire les négociations auprès du nom de la personne qui m'a donné. Donc, il a écrit des histoires, c'est dit cela. Je dis, mais toujours est-il, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on peut se parler? Et je commençais donc à tchatcher en espagnol. Et quand je parle en espagnol, je me rends compte qu'il contourne. Apparemment, il ne maîtrise pas, il ne parle pas espagnol. Je dis, ah, le vice-président de la Guinée équatoriale parle beaucoup plus espagnol que français. J'ai dit, attendez, ça ne s'arrête pas là. J'appelle mon réseau au niveau de New York City, ici, aux États-Unis. New York City, le directeur qui se charge de la gestion des affaires du vice-président de la Guinée équatoriale. Son ancien directeur. Il vit ici. Bon, je ne veux pas vous parler de ses affaires, mais je sais qu'il a eu des affaires ici. Quand je suis arrivé ici, là, quand je vivais à New York en 2003-2004, je moi-même suis allé moi-même dans les propriétés de ce jeune, du vice-président. Donc, j'ai appelé. Il me dit, oh, oui. Tous mes respects, monsieur Onouvier. J'ai dit, bon, mais le chef, c'est comment? Oh, le chef, vraiment, bon, il vient rarement ici. Hein, vous savez, avec les problèmes, là, avec la France. Bon, bref, vous connaissez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner son contact parce que je l'ai perdu? Il n'a pas hésité. Il me l'a donné. Il me donne le contact et je compare le contact. Je compare le contact que ce bande de voyous est venu me balancer ici à celui que son ancien allié qui travaillait pour lui. Mais je me rends compte que c'est du banditisme. Et voilà comment j'appelle le vice-président. Et Dieu merci, vraiment les génies, t'étais moins grand. Et quand j'appelle, il est 19h en Guinée équatoriale. Et son téléphone sonne. Il voit bien un numéro clair qui vient des États-Unis. Lui s'est dit que c'est sûrement ces gars qui travaillent avec lui, mais il hésitait toujours. Alors, il ne répond pas. Et il me rappelle en appel vidéo. Et c'est comme ça que je décroche. Et Dieu merci, j'étais bien habillé, j'avais ma cravate dessus et tout et tout. Il me regarde. J'ai dit non, ils sont excellents, vraiment, son excellence. On ne se connaît pas, mais voilà, n'ayez pas peur. Et il a pris son temps de m'écouter. Et c'est comme ça, il a dit, écoutez, je m'assois. Donc, il s'est assis derrière sa voiture et je lui ai expliqué la situation. Il me dit, vraiment, monsieur Mouré, merci. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui utilisent mes photos pour faire des faux profils, partout. Et je connais beaucoup de Gabonais comme ça sur Facebook qui ont la photo de M. Théodore Obiang, le vice-président de la République de la Guinée équatoriale. Ce sont des faux, ils vont vous escroquer. Et voilà comment les gens se font avoir dans l'histoire de Facebook. Pardonnez-moi, à cause du témoignage de M. Patrick, notre frère Gabonais, c'est comme ça sa femme se retrouve en connexion avec des suceurs d'énergie, avec les suceurs, des baiseurs de femmes électroniques. Mais comment elle appelle ça? Mystique. Heureusement que j'ai créé cette chaîne. C'est une parente à lui qui vit si loin du Gabon. Tu lui diras que pardon, je ne veux pas te perdre mon frère. Je veux te mettre en contact avec un monsieur. Et voilà comment il y a deux jours de cela, moi je suis moins fatigué du boulot. Le monsieur insiste. Pardon tonton. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et c'est comme ça, j'ai fait sa connaissance. J'ai dit, ok, tu auras le temps de m'expliquer toutes ces histoires-là, mais vraiment je vois que tu es un cas de désespéré là. Alors c'est comme ça. Automatiquement au téléphone, j'étais fatigué, je lui ai donné la formule. Et voilà, il vous a témoigné. Donc, conseil, arrêtez les histoires de Facebook. Et vous là qui me suivez là, les demandes d'amitié et de ceci, cela, si vous ne venez pas poursuivre mes enseignements de sorcellerie, si vous ne venez pas poursuivre, bon, moi je ne fais plus de politique. Je n'ai pas dit que j'ai abandonné mon combat politique. Nuance, j'ai dit je ne fais plus. Je disais que, nuance, je n'ai pas dit que j'ai abandonné le combat politique, mais ça m'a dit je ne fais plus politique. Donc, par conséquent, les gens qui me demandent les amitiés, c'est parce qu'ils ont vu mes vidéos dans mon activisme politique. C'est vrai, je parle avec eux en privé. Je leur donne mes positions, on discute et tout, et derrière, ils connaissent ma position politique. Voyez-vous? Mais la plupart des demandeurs d'amitié, c'est des femmes. Mais vous venez chercher quoi avec M. Moréau? Vous cherchez quoi? Vous pensez que vraiment, c'est avec un sorcier comme ça-là que vous allez chercher à être avec? Vraiment? Ouais, c'est sûr ça. Bref, nous fermons cette page. Donc, deuxième page, avant de vous laisser la parole pour me poser les questions, c'est sur la question de l'histoire des 28 jours. Pourquoi il faut 28 jours pour lire un livre magique? Bien, je vais vous donner un exemple. Non, celui-ci... Celui-là, il a seulement combien de pages? Il a seulement 285 pages. Ça, c'est rien. Bien. Celui-là, je crois qu'il doit avoir même 600 pages. Je me trompe. Non, il a, voilà, celui-là a 450 pages. Quel que soit le livre magique, généralement, les vrais livres de magie ne dépassent pas 300 pages. Jamais. La preuve, le livre de l'invocation du diable, ça, c'est seulement 95 pages. 95 pages, c'est tout. Voyez-vous? Mais malgré le fait que ça, 95 pages, le mage qui m'avait parlé de bouche à oreille, le maître initié m'avait dit, il vous faut toujours 28 jours. Vous lisez d'abord le livre pendant 28 jours, page par page. Parce que ceux qui ont écrit ces livres-là, ils ont chargé ces livres. Chargé, vous comprenez ce que ça veut dire chargé? Il y a eu des charges magnétiques, magiques. Ces pages ont été consacrées. Voilà pourquoi quand vous lirez certains livres, le sommeil vous attrape. Vous tombez, vous êtes là en train de lire, même pas 2 minutes, vous somnolez. Mais c'est parce que ces enseignements-là sont trop forts pour votre âme. Ce sont les esprits qui sont derrière ces livres que vous voyez là. Les livres que vous voyez là, c'est des livres qui ont des esprits. C'est des esprits qui sont derrière ces livres magiques. Donc, il vous faut 28 jours. C'est-à-dire qu'il vous faut une lune, toute une lune. Parce que la lune dure 28 jours. OK? Du premier quartier jusqu'à la disparition et attendre la prochaine lune. Ça, ne me posez pas de questions. Au cours des séminaires, j'ai expliqué. Et si vous voulez le prochain séminaire, je vais encore expliquer dans les détails. Il y a plein d'enseignements ici où j'explique cela. Donc, les questions qui surgissent toujours là-bas sur le forum, ah, oh, j'ai le livre. Mais ah, comment? Est-ce qu'il faut forcément 28 jours? Attendez, je vais lire la question là. Est-ce qu'il faut forcément 28 jours pour que je puisse pratiquer le livre parce que moi, mon travail là, hein, je vais être perturbé. J'ai dit, hein, vous êtes plus occupé que moi, Morionvi. Est-ce que vous êtes plus occupé que monsieur Morionvi? Deux boulots, à plein temps. 16 heures de travail par jour. Dieu seul sait si à peine je dors. Pendant 5 jours. Et les autres jours, je continue parfois avec l'autre boulot de la fonction publique. Des fois, je suis programmé de travailler les week-ends. Je suis d'abstraite. OK? Et en dehors de ça, me voilà ici, je viens vociférer et venir vous enseigner. En dehors de ça, je suis sur Facebook en train de poster des trucs. Oh! En dehors de ça, j'ai quand même la famille. J'ai la famille au Gabon, ici aux États-Unis. Je suis grand-père et tout ceci, cela. Oh! Qui est plus occupé que qui? Êtes-vous occupé réellement comme moi? Et là encore, je n'ai pas encore repris l'école. Mais quand je vais reprendre l'école, avant je vous faisais école, deux boulots, ceci, cela, venir, machin, les combats politiques, les histoires. Mais, mon Dieu, qui est plus occupé que Morio Nouvier? Avoir 2 heures de sommeil seulement par jour. Vous qui m'avez posé la question, donc ne donnez pas des excuses. Retenez ceci, que quand on vous donne, dans la magie, on ne négocie pas. Dans la magie, on ne négocie pas. Dans la magie, on n'aime pas l'esprit de peur. Si vous êtes quelqu'un qui vivait dans la peur, ne venez pas me perdre votre temps à venir suivre M. Morio Nouvi. Je vous dis la vérité. La magie n'aime pas la peur. Il y a une différence entre recevoir le pouvoir et être le pouvoir. Il y a une grande différence. Les gens qui sont dans les loges, on leur donne des pouvoirs. Les gens qui sont dans les sectes, là, vous partez recevoir des initiations, des bouettées, là, on vous donne le pouvoir. Mais est-ce que vous êtes le pouvoir? Or, la différence entre être et recevoir, c'est quoi? Vous êtes le pouvoir, c'est lorsque vous développez vous-même. Vous faites un développement individuel, un travail intense, sanctionné par les deux initiations, initiation douce, initiation forte, et vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous évoluez et vous provoquer l'éclosion ou encore l'éveil de votre corps animique pour entrer en communion avec le corps cosmique universel. Et quand vous faites ce travail-là, vous êtes devenu un avec le tout où Dieu n'existe plus. Mais comme Dieu n'existe plus, ça veut dire que vous êtes le pouvoir. Mais quand vous êtes le pouvoir, vous êtes devenu le pouvoir. Quel niaquo va vous faire peur? Franc-maçon soit-il. Petit sorcier du quartier, ou je ne sais pas trop qui, mangeur d'hommes, ou je ne sais trop qui. Qui? Parce que ces mecs-là ont le pouvoir. Mais ils ne sont pas le pouvoir. Vous voyez la différence? On a le pouvoir, c'est quelqu'un qui vous le donne. Mais quand il vous donne ce pouvoir, votre vie est calboignée parce que vous vivez toujours dans la peur. Vous voulez être ministre, je ne serai quoi, une promotion de ministre. Monsieur le ministre, bon, écoutez, vous voulez être élu, oui. Pour trouver le corps du président. Vraiment, il faudrait que le président libre puisse me nommer au prochain conseil. Vous tournez. Mikoto, oh, mon frère Mikoto, pardon, toi tu connais. Est-ce que tu connais pas le vieux Dibata là hein? Ah, le vieux Dibata, il est trop occupé. Occupé comment, pardon? Moi, j'aimerais qu'on me nomme là. Le président, plutôt, le président libre va me nommer au prochain conseil des ministres. Ah, moi, je suis dépassé là. Je te dis, j'ai trop de maîtresses. Il y a une maîtresse Antibichos, une maîtresse en Zion, une maîtresse au Cap Estérias, une maîtresse, je ne sais pas, en France aussi là. Je m'en... Tu comprends? Donc, je ne veux pas perdre ces opportunités. Et puis, on va vous faire quoi? Monsieur Dibata va vous recevoir. Il dit, bon, monsieur Ibanga, oh, ah, vous êtes venu me voir, oui, bien, vous voulez quoi? Ah, mais monsieur Dibata, moi j'ai entendu vraiment un grand maître, vous êtes quelqu'un de très fort, hein? Donc moi, la situation, je suis inquiet, hein? J'ai fait une mauvaise gestion là au ministère des tutelles, vraiment ça n'a pas marché, bon, je crains que là, le prochain conseil, on va me calboigner, bon, surtout que moi je ne suis pas dans la loge, j'ai peur. Moi, je ne sais pas, parce que là, il faut être dans les loges, là, vraiment, pour avoir la place. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas d'enfant pour sacrifier dans les histoires des loges. Mais on fait comment, monsieur Dibata, vraiment, pardon. C'est ce qui vous amène vers moi. Oui, vraiment, pardon. OK, on va faire, on va travailler. Est-ce que vous avez 7 millions? Comment? 7 millions. Vraiment, bon, je dois avoir peut-être 4. Non, on ne négocie pas en magie. Vous avez 7 millions, oui ou pas? Oui ou non? Non, ok. Bon. Comme vous n'avez pas 7 millions, vous allez me donner ce que vous avez. Mais il y aura un sacrifice. Quoi? Il faut sacrifier? Je vous ai demandé 7 millions. Mais vous n'avez pas les 7 millions. Vous donnez ce que vous avez. Si vous avez 2 millions, vous me donnez. Mais au-delà de ces 2 millions, vous voulez que les esprits viennent n'importe comment? Moi, mes esprits ont besoin de l'argent. C'est des milliardaires. Donc, vous ne donnez pas les 7 millions. Moi, il faut. Je vous allez sacrifier. Monsieur Dibata, expliquez-moi. Une poule, mais n'importe qui dans ce cas, il est attrapé les poules n'importe comment. Non. Mais je veux sacrifier quoi? Bon, vous n'avez pas quelqu'un que vous aimez dans la famille. Mais ma femme! Bah alors? Vous ne pouvez pas sacrifier pour... Oh, monsieur Dibata, moi je veux sacrifier ma femme comment? On veut vous donner le pouvoir. Parce que vous n'êtes pas le pouvoir, parce que vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas étudier les principes immuables de Tetamonga. Même dans les religions, vous enferme, vous embrigade avec des programmations bizarres. Vous ne voulez pas progresser. Vous ne voulez pas comprendre le processus qui passe par trois méthodes. La méthode de l'apprentissage, de la connaissance connaissante et du perfectionnement absolu qui vous permet de voyager dans l'espace et le temps en contrôlant votre empire, en voyageant dans l'espace et le temps, c'est-à-dire en biloquant et en sortant de l'empire constamment. Et c'est de cette façon que vous allez renforcer votre corps animique et d'exprimer votre divinité et que Dieu n'existerait plus pour vous. Parce que vous êtes maître des univers. Vous devenez un grand maître de l'univers. Mais là, vous allez commander auprès de Dibata, parce que Dibata va vous donner le pouvoir. Parce que vous avez peur que Yali ne va pas vous nommer. Parce que votre travail de machin, vous étiez calboigné, vous avez fait les ambiances de petites, les milliards qu'on donne, vous détournez pour payer des bourses bizarres à vos petites copines. Et maintenant, vous êtes calboigné. Donc, Dibata vous demande 7 millions. Il faut le trouver. Mais non! Vous allez vous endetter sûrement. Eh bien, vous avez raison. Oh là là, monsieur Abbé Solo, attends, il est 20h. Allô, monsieur? Allô, monsieur Abbé Solo? Oh, non, c'est le ministre, là, c'est le ministre. Oui, c'est moi. Oui. Bon, écoutez, au niveau de la douane, là, il y a eu combien d'entrées, là? Il y a combien de clients demain? D'accord. C'est à peu près une entrée de combien? Ah, bon, c'est monsieur Hajj. Il doit payer combien? 17 millions? Ok. Demandez à monsieur Hajj de passer au domicile du ministre. Hein? J'envoie le chauffeur. D'accord? Qu'il amène la somme d'argent. Bon, problème résolu. Bon, monsieur Dibata, il n'y a pas de problème. Je vous trouve les 7 millions parce que moi, je n'ai pas quelqu'un à sacrifier. Et monsieur Dibata vous dit, ok, c'est bon. Viens ici, là. Courbe-toi. Hein? Mais courbe, tu dois me faire quoi? Non, n'aie pas peur, je ne vais pas te péder. Courbe-toi. Répète ceci. Répète cela. Tourne-toi. Viens ici, là. Ferme tes yeux. Tais-toi, tu veux le pouvoir ou pas? Allez, viens t'asseoir ici. Allez, prends, mets ça, tiens. Mets ça sur ta main. Merci, monsieur Libata. Bien, ce n'est pas tout. Allez, prends ça. Tu mettras ça autour des terrains. Bien. Là, on vous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir que monsieur Libata vient de donner à monsieur le ministre, est-ce qu'il connaît? Monsieur le ministre a mis toute sa confiance. Il s'est extériorisé. Il s'est extériorisé en acceptant ce pouvoir étranger. Donc, on lui donne le pouvoir. Mais il n'est pas propriétaire de ce pouvoir. Et ce pouvoir peut lui jouer des coups. Ce pouvoir peut lui jouer des tours, je voudrais dire. Parce qu'il ne maîtrise pas les esprits qui sont derrière ces gris-gris. Il ne maîtrise pas le souffle mélangé avec les crachats que M. Dibata lui a balancé sur le front, les yeux fermés. Il ne maîtrise pas pourquoi M. Dibata lui a demandé de se courber. Il ne sait pas qu'il va se faire payer par les démons à chaque fois, pendant qu'il sera à la maison, parce qu'il a refusé de sacrifier sa femme. Donc, le signe de se courber, M. Dibata a déjà demandé à Konkumbon. Konkumbon, c'est le démon de l'amour qui aime payer les hommes pour donner le pouvoir. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, vous voilà en position de pouvoir que vous ne maîtrisez pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je le répète, que quand vous êtes un véritable maître mystique, quand vous êtes un véritable sorcier qui maîtrise autant des magies et que vous avez maîtrisé et que vous êtes devenu ces magies par connaissance, connaissante, c'est-à-dire par la transcendance, vous êtes transcendé, vous êtes devenu cette connaissance. Ces esprits, vous vous êtes amitié avec ces esprits. Les démons et les anges vous obéissent. Les génies vous obéissent. Vos ancêtres sont soumis et tremblent quand vous les appelez. Quand vous êtes arrivé à ce niveau, même les eaux vous obéissent. Même le tonnerre vous obéit. Je dis bien, tous les cinq éléments. Mais je vous l'ai dit, les quatre éléments vous obéissent. Eau, air, terre, feu, air. Tous vous obéissent. Tous ces petits esprits, les esprits, les salamandres, les elfes, les ondines, les gnomes. Tous ces esprits sont soumis à votre volonté. Vous allez me dire, il y a une grande différence entre vous qui allez commander le pouvoir auprès de M. Dibata et M. Moreo Nouvier. Parce que M. Moreo Nouvier n'a pas le pouvoir, mais il est le pouvoir. Il peut porter certains symboles. Ça n'a aucun sens. Il va porter quelques médailles, je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens, parce que le pouvoir n'est pas dans ces choses. Le pouvoir n'est pas dans des bagues. Mais le pouvoir est en lui. Vous voyez la différence? Donc, il y a une différence entre avoir le pouvoir et être le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est des pouvoirs éphémères parce que tôt ou tard, ils chutent et ils deviennent des calboyers. Et les démons vont courir après eux et ils finissent leur vie très mal. Par contre, ceux qui sont le pouvoir, ils connaissent ce que c'est la vie. Parce qu'ils connaissent la valeur du bien et du mal. Ils connaissent les principes immuables et les principes karmiques. Je m'arrête ici. Donc, quand on vous demande de respecter les 28 jours, il y a une raison valable pour cela. C'est pour permettre votre âme de s'harmoniser avec ses connaissances. Et ensuite, après les 28 jours de connaissances théoriques, informatives ou informelles, vous avez ce appris des informations. Après avoir acquis ces informations, vous passerez maintenant à la pratique. La pratique, c'est là où vous allez maintenant commencer à pratiquer ça. Hein, j'ai des livres là intitulés « Comment faire la magie cérémonielle » et « Comment pratiquer la grande cabale noire », des choses comme ça, « Comment invoquer le diable ». Tous ces livres-là, hein, « Le yoga pour chacun »,« Chacun pour soi »,« Dieu pour tous »,« Dieu est tombé »,« Jésus en haut »,« Le diable en enfer » ou « Lucifer », tout ça. Il faut pratiquer. Mais la pratique ne se fait d'abord qu'après 28 jours d'entraînement. Et je répète que la magie n'aime pas les excuses. Pas de peur, pas d'excuses. Et surtout, la lettre D, la discipline. Il y a quelqu'un qui me posait la question, mais monsieur, ce n'est pas possible. Vous êtes dans les yoga, vous êtes dans les pieds en roche à droite, dans les tai chi karaté, ceci, cela. Mais vous êtes trop occupé. Mais justement, si vous n'êtes pas occupé, vous voulez que c'est le diable qui vous occupe? On vous donne des enseignements depuis 2 ans sur cette chaîne. Et je vois encore les gens qui viennent me poser la question sur le rite du vin. Mais ce n'est pas possible. Oh maître, le rite du vin là, est-ce qu'on peut faire encore un demi-siècle? Oh, 3 jours, un demi-siècle. Vous venez encore poser des questions comme ça? Vous ne voyez pas que ça me fatigue quand vous posez des questions pareilles? C'est pour cela que je vous dis, allez-y, re-suivre la vidéo, s'il vous plaît. Mais je fais des efforts depuis un moment de pratiquer bien mon français. Dieu merci, il y a une personne qui m'aide là. Elle enseigne le français ici. Ben alors, de temps en temps, elle me corrige. Ouais. Mais autrement dit, je fais des efforts. Vous pouvez quand même m'écouter. Je parle quand même mon français, non? Ou bien du français, quand même le français moyen. Je ne parle pas une grammologie ou bien du gribouillage. D'accord? Pardonnez-moi si le mot n'existe pas en français. Donc, je vais dire par là quoi que j'essaie d'être expressif, de m'exprimer clairement, le plus clairement possible, afin que vous saisissiez et que vous appliquiez, vous écoutiez, exécutiez et ensuite appliquiez dans vos vies afin d'opérer des changements. Ça, c'est des connaissances simplement orales. Mais dans nos villages, ça ne s'est pas ça comme ça. Moi, mon grand-père, quand il m'avait parlé de l'expérience du crapaud et de la tortue, il me parlait de bouche à oreille. Après, il m'a amené à la rhétorique pratique. Il me dit, regarde, voilà ce qu'on fait du crapaud, voilà ce qu'on fait. Hein? C'est comme ça. Donc, les connaissances des livres, là, c'est une obligation. Il n'y a pas d'excuse. Vous n'êtes pas plus occupé que moi. Pour me dire que non, monsieur, vraiment, il y a des jours peut-être que moi, mon sommeil va être calboigné. Ça, c'est votre business. Même si vous êtes au travail, débrouillez-vous à lire. Vous ne devez pas couper le courant de ces 28 jours de lecture du livre ou auquel cas laisser ce livre-là tranquille. Prenez donc vos congés. Donc, pendant les congés, là encore, vous allez me donner des excuses. Oh, yo, mais moi, les congés, je m'en vais au Gabon. Parce qu'en France, si je me suis étouffé, il faut que j'aille au Yem, il faut que j'aille à Antibichos, il faut que j'aille à Koulamoutou. Vraiment, il y a la belle famille. Ou bien, vous choisissez, dans la vie mystique, c'est un choix. Ou bien d'abord votre élévation spirituelle, ou bien vos histoires personnelles à vous. Et c'est pour cela que les religieux disent que le diable est trop occupé, non? Que le monde entier joue sous le pouvoir des méchants, selon 1 Jean ou 2 Jean, chapitre 3, chapitre 4, là-bas, que tout le monde entier joue sous le pouvoir des méchants. Et il vous occupe toujours. Il va toujours vous distraire. Il va vous distraire quoi? Parce que vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas pratiquer ce qu'on vous demande de faire, garder une ligne de discipline qui vous épargnera de tous les problèmes du monde. Et vous me posez la question, pourquoi je suis trop occupé? Je suis dans les karaté, les yoga, les tai chi, les ching-kong, les kung-chang, et toutes ces histoires-là, mais mon Dieu, sortir d'un vampire, lire, donner des conférences, ceci, cela, consulter les gens, tout ça-là, mais monsieur, on oublie, et donner des enseignements. Mais c'est ça, un véritable homme Dieu. Je suis un homme Dieu. Homme, parce que j'évolue dans cette planète, sur cette planète, Dieu, mais parce que tout ce que je vous dis là, vous avez le livre. Donc, ne donnez pas des excuses en magie. Faites-moi cette promesse-là, ceux qui sont avec moi dans les forums-là. N'osez pas me donner des excuses tous les jours. Et arrêtez de venir poser les mêmes questions tout le temps, comme ça là. Vous avez cette chaîne qui est là. Il y a des centaines de vidéos. Vous ne faites aucun effort de venir suivre ces enseignements. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais toujours être là à la machine, comme disait l'administratrice, que je deviens un répondeur automatique. Ça, ce n'est pas normal. Vous ne savez pas que trop parler, ça donne la maladie du cancer de l'œsophage. Heureusement, j'ai demandé mes 3 jours de repos dans la semaine, mais sinon, je vais tomber ma calboyer. Voilà. Donc, 28 jours, ce n'est pas négocié. Vous devez lire pendant 28 jours sans arrêt. Ne sautez pas un seul jour. Si c'est un livre de magie, je le répète, si c'est un livre de pratiques magiques, n'osez pas omettre un seul jour. Et n'oubliez pas que la magie n'est pas réservée aux peureux. Même les gens qui ont les pouvoirs. Je parle de nos amis, là, les hommes d'affaires, les ministres, les ceci, cela. Ils ont les pouvoirs, mais rassurez-vous, ils ont peur. Ils sont confiants que l'avion là-bas. Mais attends, monsieur Angbongo Jingia, monsieur Angbongo Minja de Benin m'avait donné le fétiche ainsi que l'avion là-bas shooté, que je serais quelque part. Mais il y a toujours la peur. Parce qu'ils ne sont pas le pouvoir. Or, quand vous êtes le pouvoir, moi, avant de voyager quelque part, mes génies me disent déjà d'avance. Ils me disent, voilà, il va se passer tel événement. Et puis, on va te donner des signaux. Ça m'est arrivé ici, quand je suis allé en France. L'autre avion de Delta, l'avion qui m'a pris de là où je suis, de Dayton jusqu'à Atlanta, Georgia, cet avion-là a failli prendre feu. Mais dès que j'arrive à l'aéroport, et pourtant j'étais bien à l'heure, c'est mon propre véhicule, mais je tourne, oh yo, le trafic, mais mon Dieu, le trafic jam, c'est comment? J'arrive à l'aéroport calboigné, je suis en retard. Bon, je me pointe, on me dit, je regarde tout le monde là, qu'est-ce qui s'est passé? L'avion là, ça crée une panique générale, ça va y prendre feu, donc les gens, tout le monde calboigné, il faut attendre pour 2 heures, on va nous trouver un autre avion spécial. Mais vous vous rendez compte? C'est parce que les génies, je vous avais dit, donner l'enseignement, c'est mettre à l'écoute et démettre. Donc, quand vous êtes la connaissance, c'est ce genre de choses qui vous arrivent. Vous n'allez jamais être attrapé ou piégé. Bien, je crois que j'en ai terminé. Maintenant, par rapport aux frères ou ceux qui sont victimes des mêmes cas que Patrick, je vais maintenant vous donner. Parce que c'est bien beau, je suis venu critiquer, je suis venu dévoiler, Jésus est là, mais il faut aussi vous donner la technique. Bon, ça, je n'ai pas besoin de vous donner ça au cours d'un séminaire. Prenez note, ou bien cette vidéo, vous allez écouter à nouveau. Vous avez besoin de 4 éléments pour pouvoir bloquer les esprits des gens qui viennent coucher avec votre femme. Coucher avec votre femme sur votre lit. Vous comprenez? Ceux qui sont victimes là, notez, première technique, prenez des fers métalliques en forme de rectangle. Fer métallique, transmetteur d'électricité. D'accord? Vous les mettez aux 4 coins de votre lit. Vous piquez. 4. Donc, forme, parce que votre lit, forcément, a la forme d'un rectangle, n'est-ce pas? Alors, une fois vous avez mis ces 4-là, pour ceux qui sont chrétiens, lisez-moi le psaume 91 à haute voix et vous tournez tout autour avec un tissu blanc de la tête jusqu'aux pieds. Si possible, mettez un drap blanc et vous tournez autour avec une bougie blanche à la main. D'accord? Et vous lisez. Vous lisez. Vous lisez. Vous tournez. Vous tournez autour du lit. Après, je dis bien, après avoir mis les fers métalliques autour de votre lit. D'accord? Vous allez sûrement poser la question, mais sur quoi? Vous pouvez prendre des petites poutres. Maintenant, vous en avez payé des blancs. Oh, yo, la pauvre maison. Mais vous pouvez mettre ça sur votre lit. Sur les bordures du lit, autant pour moi. Vous attachez tout autour. Vous faites ce qu'on appelle un blindage métallique. Donc, une fois que vous avez fait ce blindage métallique, donc vous tournez autour en lisant le psaume 91 pendant 8 fois. 8 fois, vous tournez autour du lit. 8 fois. Pas 7 fois, hein, comme ça, c'est passé à Jéricho, mais 8 fois. Et de 2, prenez une cuvette blanche. Une cuvette blanche remplie d'eau. Et dans cette eau, vous mettrez 4 citrons découpés, vous mettez dedans. Vous mettez également 2 cuillerées de sel dedans. D'accord? Je répète. 4 citrons découpés et du sel. 2 cuillerées de sel dans cette eau-là. Et cette eau est dans un seau blanc. Pas le seau, la cuvette, une cuvette blanche. Vous devez acheter une cuvette toute neuve. Vous allez la mettre dans la chambre. Dans un coin de la chambre. D'accord? Vous mettez cette eau-là ouverte. Troisièmement, vous allez brûler des encens dans votre maison. Il y a plusieurs formes d'encens. Hein? Il y a les encens. Il y a les encens de 7 formes. Il y a les encens de 7 formes. Il y a les encens de toutes formes de catégories que vous pouvez avoir en possession. Hein? Vous brûlez donc ces encens. Vous les brûlez. Mais de préférence, si vous pouvez commander l'encens pontifical. Encens pontifical. C'est 7 encens. Qu'il vous faut, de préférence. Ça, c'était le 3e point. 4e point, faites les prières de psaume 91 pendant 8 fois. Ensuite, le psaume 91, vous le lisez seulement une seule fois, mais le Notre Padre, Notre Pater, prière en latin de Notre Père. Faites la prière en latin, pas en français, s'il vous plaît. Parce que le latin, c'est la langue magique par excellence de l'église chrétienne. Même si c'est devenu les églises éveillées de Kimberley qui étaient à gauche, à droite. Mais à l'origine, c'était en latin. Vulgate, c'était la tradition latine partant de la langue hébraïque en notre semaine. Partant de la langue hébraïque en notre langue aujourd'hui. Donc, prière chrétienne, prier avec le psaume 91, et ensuite, notre Père, 8 fois. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, 8 fois. Et la volonté, c'est de visionner. Pour ceux qui sont catholiques, vous pouvez visionner Saint-Archange, Saint-Michel, avec une épée en train de couper la tête de quiconque ose lorgner cette maison. Donc, vous le faites comme ça. Vous voyez, ça, c'est la technique pour protéger une femme qui se fait coucher, qu'elle soit mariée ou pas mariée, si elle se fait coucher par un esprit. Appliquez-moi ces 4 règles-là. Vous serez à l'abri de la peur et des attaques. Cette technique-ci, vous n'allez les trouver dans aucun livre. Ce sont les techniques que M. Morio Mouvier, grand sorcier, par de l'ordre mondial, vient transmettre auprès de vous, de par mon expérience et par inspiration des grands maîtres invisibles. Est-ce que ça a marché? Oui. Je l'ai déjà donné à plusieurs couples américains. Est-ce que ça a marché? Oui. Vous avez écouté le témoignage de comment il s'appelle? Le petit qui vient de parler là, mon petit frère, là, mon fils, Patrick. Il vous a dit qu'il a appliqué ça hier, non? Et comment il s'est senti? Vous avez écouté? Mais il n'a pas appliqué les histoires des métalliques, de ceci, cela. Non, non, non. Lui, il a appliqué seulement. L'une des techniques qu'il a appliquées, c'est le psaume 91. Et puis, la prière. Et je lui ai ajouté d'autres choses, les anciens. Et bien, voilà. Et je lui ai dit des paroles qu'il faut dire également. C'est tout. Quoi? Ça, là, vous êtes le pouvoir. Je vous ai donné seulement les outils. Si vous faites cela, si vous faites ça continuellement dans votre vie, vous appliquez ça, alors vous devenez le pouvoir. Temporel, bien sûr. Parce que dans le plan métaphysique, il faut maintenant savoir créer, comment créer les, hein, à travers la technique de la consommation de l'énergie tellurique. Bon, j'en ai terminé sur ce, veuillez me pardonner. Je vous accorde à peu près 20 minutes là pour les questions. Alors, je suis prêt pour répondre à vos questions. Voilà une longue thématique, pardonnez-moi, mais je ne peux pas venir seulement critiquer, mais je vous ai donné la solution. Donc, appliquez. Que ce soit les femmes qui sont célibataires, vous êtes victimes, ou même les hommes, vous rêvez toujours que vous faites l'amour à une femme, vous rêvez le matin, machin. C'est pas forcément comme quelqu'un a parlé. Succube et incube, ça sont les esprits mal, qu'on appelle ça, malsains, ou encore les démons, qui jouent le même rôle que votre femme ou mari de nuit, qui n'ont rien à voir. Mari de nuit et femme de nuit, ce n'est pas succube. Ce que nous appelons chez nous Mbumbayano, ça n'a rien à voir avec succube et incube. Succube et incube, c'est une famille qui fait partie des démons, lesquels sont au contrôle de certains grands initiés. Votre humble serviteur, par exemple, je les maîtrise. Je peux décider de les envoyer aller emmerder une femme qui me crée trop de problèmes. Ça arrive. Il y a les gens qui maîtrisent ça. Allez-y, ceux que j'ai recommandé de commander, les gens à qui, dans un enseignement, j'avais recommandé d'étudier le livre intitulé Abraham et l'hommage. Et ensuite, il y a un nouveau livre que j'ai, pas nouveau, c'est un vieux livre qui date de près de 200 ans, intitulé La pratique de la cabale noire. Là-dedans, on vous montre comment vous pouvez manipuler ces démons-là et être à vos services, et ainsi de suite. Bien, j'attends vos questions. Vous avez retenu qu'il y a une différence entre avoir le pouvoir et être le pouvoir. Et que tous ceux qui vont voir les féticheurs. Nina, vous me demandez si je communique régulièrement par télépathie avec d'autres initiés. Oui, maman, ça c'est fait. Mais il faudrait que ces initiés-là aient un taux vibratoire de haute fréquence au même niveau que moi. C'est-à-dire que il y a certains, on s'entend. Par exemple, avant de sortir en vampire ensemble, on se communique par le téléphone, je n'ai pas besoin du téléphone, donc on se communique par télépathie, je pense à la personne. Bon, par exemple, mon ami du Nigeria, généralement, je rentre en communication avec lui par télépathie, et puis on parle, et je lui dis, bon, tiens, est-ce qu'on peut se retrouver au Tibet? Oui. Comment faire pour chasser un démon qui dérange la famille? Pour vous, la famille, c'est quoi? Comment faire pour dégager un démon? Comment vous savez que c'est un démon? Ça peut être les esprits que l'un d'entre vous amène dans la maison. D'abord, je veux répondre à votre question. Il faut d'abord avoir l'esprit du discernement. Il faut d'abord détecter pour savoir est-ce que cet esprit est d'origine étrangère ou bien c'est un esprit qui est simplement de la famille. Ça peut être la femme ou le mari dans vos histoires d'initiation. Tu es allé te faire initier Gabanji ou Mbumba Yamende, et puis la personne qui t'a initié t'a calboigné, il t'a mis n'importe quoi. Mais maintenant, en ce moment, est-ce que vous allez accuser que c'est un démon? Donc, il faut d'abord détecter qui est ce démon-là. Donc, pour chasser ce démon qui dérange la famille, il faut d'abord découvrir l'origine de ce démon. Il faut d'abord connaître dans quelle catégorie ce démon-là. Ce démon-là, c'est qui? C'est qui? Est-ce que réellement c'est un démon? Ce n'est pas monsieur Otto-Louis-Wimbois qui se transforme. Ça peut être Otto-Louis-Wimbois qui se transforme pour venir vous emmerder. Et Otto-Louis-Wimbois, c'est votre oncle qui vous en veut parce que vous êtes allé prendre un master et vous avez décidé d'épouser un Aoussa au lieu d'épouser un Gomien comme vous. Ça, c'est ça. Donc, avant de passer donc à l'attaque, de chasser ces démons-là, il faut d'abord découvrir. Et ensuite, maintenant, pour le chasser, il y a des cérémonies multiples. Vous voulez que je vous montre toutes les cérémonies ici? Dans le Bouti, il y en a, on brûle certaines techniques. Et il y a chez nous qu'on appelle les Vounous. Chez les Ngomienes, nous avons ce qu'on appelle les Vounous. Donc, vous faites des bains à base de certaines feuilles qui vont dégager et purifier votre corps astral ou encore les ondes négatives. Parce que ces ondes négatives, dans le langage scientifique, vont te créer de l'amertume dans votre corps astral. C'est-à-dire que votre esprit, votre âme, votre corps astral va devenir amer et les démons n'aiment pas ça, donc les démons vont fuir. Et deuxièmement, il y a, pour ceux qui sont chrétiens, vous faites des prières. Et si vous n'êtes pas chrétien, il y a des techniques, hein, des techniques que moi je diffuse aux gens, moyennant certaines sommes modiques entre 200 et 300 euros, et puis je fais des travaux. Bien. Maintenant, pourrons-nous appliquer quoi? Je comprends, la petite cerise là. Toi, tu viens dire quoi ici là? Pourrait-on appliquer cette technique là si on est attaqué spirituellement? Les techniques des choses là, oui. Ce n'est pas seulement forcément pour quelqu'un qui vient vous baiser la nuit. Non. Vous pouvez appliquer ça. N'importe quel sorcier, hein? N'importe quel sorcier, si vous appliquez la technique que je vous ai montrée, n'importe quel sorcier peut se faire buter. Vous n'avez pas besoin d'avoir une médaille d'Ali Baba. Vous n'avez pas besoin d'avoir le talisman des mille et un pouvoirs de l'Inde, du lac Nganja. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Sauf si vous avez l'argent, vous allez commander ça. Mais les quatre éléments, fer métallique autour de ceci, la cuvette blanche remplie d'eau avec le citron, quatre citrons, le sel, l'encens pontifical, et ensuite des prières, des psaumes 91, la prière de notre pater, soit 8 fois, et que ta volonté soit faite sur la terre 8 fois, et ainsi de suite, avec visualisation immédiate, de l'attaque de Saint-Ange, Archange Michel, oui. Ah, ça, c'est qui? Quelqu'un veut rentrer en contact avec moi pour une consultation. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Maître, j'aimerais savoir comment être délivré de manipulations, de pratiques occultes. J'étais vicaté, mais je ne comprends pas, mais je veux me sentir libéré. Bien. Vous voulez savoir comment être délivré des manipulations psychologiques, manipulation des pratiques occultes. D'abord, il faut, une fois de plus, avoir le discernement. Est-ce que vous êtes réellement victime des manipulations des pratiques occultes ou bien c'est vous-même qui en êtes l'auteur de ces pratiques occultes? Je m'explique. Si tout le temps vous êtes toujours dans la négativité, tout le temps vous êtes toujours là nerveux, n'importe comment, tout le temps vous créez des disharmonies, vous êtes toujours en train d'insulter les gens, en train de provoquer même l'homme le plus simple, comme même votre humble serviteur Morion ou bien, il aime faire rigoler les gens, c'est quelqu'un de très simple, et même si parfois quand il va être dans ses folies, mais je ne l'ai jamais montré ici, vous allez fuir. Donc, vous trouvez quelqu'un comme ça, mais il n'y a pas de problème. Mais si vous battez jusqu'à m'énerver, moi, mais vous aurez mes actes, moi je viendrai. Le fait que je vais me mettre en colère là, je décharge déjà une onde négative. Donc, c'est déjà un être qui vient vous attaquer. Et cet être sous couvert de l'onde mentale à travers le corps éthérique qui vient vous attaquer, c'est qui? Mais c'est Moréon ou vient? Hein? Alors, c'est ça. Donc, bon, pour répondre à votre question, je dirais que l'une des méthodes pour pouvoir être délivré des manipulations des pratiques occultes, puisque vous en êtes victime, vous le témoignez vous-même, c'est de, premièrement, faire une initiation de soi-même. Initiation de soi-même, c'est-à-dire que c'est rentrer à l'école du développement de soi. Commencez à vous développer vous-même, la découverte de soi. Commencez d'abord à identifier qui vous êtes, vous vous connaissez, il faut vous connaître. Et c'est pour cela que je fais une étude qu'on appelle l'étude de la consultation complète. Cette étude complète, elle coûte 150 $. Je ne sais pas combien ça fait, mais ne m'envoyez pas des euros, c'est 150 $. Donc, je fais cette étude complète, je détermine d'abord qui vous êtes, si réellement vous êtes victime des attaques, des ceci, cela. À travers cette étude individuelle, et je tiens à signaler ma fille qui est au Canada, qui m'a envoyé ces sous. Je vous informe que oui, ces sous ont été cachés ce matin et vous m'accordez souvent au maximum une semaine pour que je puisse vous envoyer les résultats de votre étude complète. Et vous serez satisfaite à 100%, je vous garantis, parce que je le fais depuis plus de 20 ans et les gens sont toujours satisfaits. Voilà, donc pour le cas d'espèce que vous me posez cette question, je vais faire d'abord cette étude et à partir de cette étude, vous allez découvrir qui vous êtes. Votre nom, votre prénom, et la date de naissance, vous allez découvrir qui vous êtes. Et à partir de la découverte de vous-même, donc vous allez rentrer dans une étude profonde. Et dans cette étude profonde que vous allez faire, donc, qui vous permettra de vous connaître qui vous êtes, maintenant, vous allez faire le développement de soi. C'est un, ça c'est la solution la plus difficile. Et que beaucoup d'entre vous, vous êtes trop paresseux. Votre humble serviteur a fait ça pendant 46 ans, mais les gens ne peuvent pas être patients. Oh, maître, automatiquement, moi, tout de suite, je vais avoir tout de suite 1 milliard. Moi, c'est un portefeuille. Vous voulez les choses immédiates. Donc, maintenant, si vous voulez les choses immédiates, deuxième option pour être à l'abri et délivré des pratiques pratiques occultes, vous pouvez me contacter en privé. Je vous donnerai des contacts de personnes qui sont très sûres. Ils vont vous faire certains travaux. Ou bien même moi-même, en fonction de ce que j'ai ici, là, aux États-Unis, je vais voir ce que je peux faire Je vous fais certains travaux. Vous avez vu le petit Patrick. On a seulement fait quoi? On a appliqué seulement quatre trucs. Bon, deux qui sont ici, là, les prières, les psaumes 91, et les deux autres qui sont secrets. Et puis voilà, il vous a dit quoi? En moins de 24, il dit, je suis fort, je me sens bien. Et là, je le dis en 90 jours, on va tuer les mecs là. Oui, voilà, je vous dis, tout sorcier a le droit de tuer. On peut faire le mal pour le bien de l'autre. Là, je dois tuer ces mecs-là pour le bien de mon jeune frère gabonais. Moi, je n'accepterai pas que des calboigniers américains viennent m'embêter, mon frère. Ce n'est pas normal. Et surtout qu'il a des enfants avec cette jeune dame. Bon, bref, vous avez compris tout. Deux, première solution, le développement de soi. Deuxième solution, c'est l'initiation, ou en d'autres termes, les pratiques de la haute initiation que j'appelle initiation forte. C'est-à-dire, vous rentrez dans le bouéité, vous rentrez dans les machins, le mimbouiri, je ne sais pas trop quoi, si vous êtes une femme. Bon, je vois le nom ici, là, c'est Bernard. Bon, vous êtes sûrement un homme, j'espère, hein, parce que les gens prennent trop des choses ou des je ne sais quoi, hein, des noms inventés à gauche, à droite. Bon. Initiez-vous. Ma maison, moi, enfant, je connais l'origine des attaques spirituelles. Comment faire? Quoi? La petite cerise, tu dis quoi là? Moi, ma maison, enfant, je connais l'origine des attaques spirituelles. Comment faire? Oh, mais toi, tu me poses encore la question. Tu connais déjà les origines, tu as encore posé la question. Comment faire? Relance-moi ta question, parce que là, tu m'embrouilles. Un père peut-il utiliser cette technique pour sa fille qui est en victime? Et utiliser quelle technique, Lewis? Bien. Je comprends. Si vous faites allusion à la technique que je vous ai donnée ce soir, en plein live, pouvez-vous l'utiliser pour votre fille qui en est victime? D'abord, il faut voir, selon la description et le témoignage de ce monsieur, est-ce que votre fille en est victime et ce genre de choses? Si c'est le cas, oui, appliquez-moi ça. Et puis vous-même, Nguema, vous aussi. J'ai parlé avec vous là sur le forum, je vous ai dit, allez-y, mais faire les choses de chez vous. Comment ça? Le melanin. Le melanin, c'est très fort. Ok, on passe. La réponse est oui. Une femme, hein, j'ai fréquenté d'origine. Ah bon, d'accord, là, je vais pouvoir. Je ne sais pas. Je vais essayer d'interpréter la question là. J'ai fréquenté une femme d'origine haïtienne, elle m'a fait des choses mystiques par un plat. Donc, elle aurait fait des choses. Depuis, je rencontre des malchances sentimentales. Ah, Bernard, vous êtes sûr que la femme là vous a calomnié dans votre nourriture? Maintenant, là, vous avez les malchances. Vous êtes sûr, Bernard, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas votre caractère. Je taquine un peu, pardonnez-moi. Mais généralement, quand une femme, hein, ça existe chez nous au Gabon, on appelle ça l'Oanabaru, Tobreussi, enfant. Alors, le Tobreussi ou bien l'Oanabaru, souvent, ça consiste à garder son gars pour soi-même. Des trucs dans la nourriture. Je ne vais pas rentrer dans les recettes parce que je connais toutes les différentes recettes. En passant par les sous-vêtements, les périodes, histoire des menstrues, tout, dans certaines sauces spécifiques, tout ce machin. Mais est-ce que, pour votre cas d'espèce, elle a fait ça pour vous faire la malchance? Je doute. Si vous avez la malchance, essayez de vous réexaminer encore vous-même. Mais je mets mon doute entre guillemets. Si elle aurait fait pour que vous ne puissiez plus avoir une autre femme qui vous rendra heureux, dans ce cas spécifique, je crois qu'il faut trouver une solution. Comment s'assurer que son guide spirituel est à notre écoute et que la communication de la pensée, pardon, comment s'assurer que son guide spirituel est à notre écoute? C'est si et seulement si vous êtes en connexion constamment avec votre guide spirituel et il y a un travail. Et dans mes développements, je disais tout à l'heure, là, mon développement, que il faut nourrir cette constance, cet esprit de discipline et de contact permanent avec les maîtres invisibles. Mais les maîtres invisibles, c'est justement votre guide spirituel. Bon, les gens comme nous autres, nous en avons des milliers, ils sont autour de nous. Voyez-vous? Quand il s'agit des palais blancs, ce sont les génies des blancs là qui viennent. Quand il s'agit des palais chauds de l'Afrique, ce sont mes ancêtres avec les 47 génies là, de mes ancêtres qui interviennent. C'est-à-dire que les esprits qui travaillent avec eux quand ils étaient dans l'armée, tout ça là, les démons, tout ce qu'ils avaient comme pratique, tous ces mecs-là interviennent pour. Maintenant, comment s'assurer que son guide spirituel est à notre écoute? Il se met à votre écoute à une seule. C'est lorsque vous l'entretenez. Donc, l'entretien de ce génie, il faut l'entretenir. Maintenant, vous allez me poser la question suivante. Pour l'entretenir, il faut faire la pratique des rites des ancêtres. Et cette pratique des rites des ancêtres, Jésus l'a pratiquée dans Matthieu chapitre 17. J'insiste parce que nos frères chrétiens et même des pasteurs continuent à dire que le machin des rites des ancêtres, c'est diabolique. C'est faux, ce n'est pas diabolique. Voilà la méthode pour s'assurer que vous êtes en communication avec eux. Maintenant, et la communication par la pensée est-elle suffisante avec ce guide-là? Oui et non. Moi, je communique de deux façons, par la pensée et par le gestuel. C'est-à-dire, le gestuel, c'est quoi? Ce sont les symboliques. J'en parle dans un enseignement ici que l'importance les symboles que vous faites, les gestes que vous faites n'importe comment, vous faites très attention. Bon, ça, c'est un geste qui est très connu de tout le monde. Il est protégé par les quatre tétamagrammatons ici. Je veux pouvoir le faire. Ceux qui sont dans certains milieux peuvent connaître de quel signe il s'agit. Je répète, je vais trop vite. Voilà, ça, ce signe-là est fait dans certains milieux. Et il y a un autre, je viens de le faire. Bon, ça, par exemple, là, je suis entré en contact avec deux entités. Il y a l'entité des francs-maçons, c'est le premier signe que j'ai exécuté, et ce même signe des francs-maçons m'a permis de rentrer également en contact avec la grande loge universelle blanche, parce qu'ils utilisent le même symbole, et m'a permis également de rentrer en contact avec le grand centre, le grand temple des kabbalistes, c'est-à-dire la grande Kabbalah. Et le deuxième, c'est le symbole de la rose-croix à Morque, et en même temps, de l'Église catholique, apostolique et romane. Donc, ces signes connu de tout le monde, c'est souvent tracé pour des grandes protections. Vous pouvez tourner dans les quatre points cardinaux de la gauche vers la droite, vous faites ces signes-là. Donc voilà le deuxième mode de communication avec votre guide spirituel ou encore avec votre génie ou encore quand je parle de la magie des génies familiers. Les génies familiers, c'est quoi? C'est des poupées que vous fabriquez à partir desquelles je connais comment ça se passe. Ça s'appelle la talismanie pratique, des techniques de transfert des énergies, des entités, des esprits, des planètes et tout selon en fonction du mouvement de la lune, le mouvement des planètes et tout cela. Donc, vous fabriquez votre génie, votre dieu, qu'on appelle le petit bouti ou encore le génie familier. Donc, toutes ces histoires-là, c'est la même chose. Vous formez, vous allez faire ce qu'on appelle un signe, un symbole d'appel et un symbole de tensée. C'est-à-dire que vous devez communiquer avec votre génie des différents symboles. Moi, les miens, parfois, quand je suis énervé, je fais un certain symbole. Et quand je suis énervé, dès que je fais ce symbole devant les gens, mes génies peuvent venir vous gifler. Mes génies peuvent vous donner des maux de tête. Parce que quand je suis fâché, c'est que mon génie, tiens bon. Oh non, non, non, le signe avait dit que notre maître est fâché. Donc allons-y voir qui l'énerve, qui l'énerve. Et du coup, soit il va vous embrouiller. Par exemple, si vous êtes ministre, si vous êtes directeur général, vous allez vous embrouiller et vous allez changer d'avis. Si vous voulez même m'enlever ou me débaucher, vous allez dire, bon, monsieur, on oublie, en tout cas, je crois que le problème là est résolu, je vous donne la dernière chance. Et c'est comme ça. Donc, ça passe par, je répète, sur votre deuxième aspect de la question, la communication par la pensée est-elle suffisante? J'ai dit non. Elle n'est pas suffisante. Et je viens de vous donner l'autre mode de communication, c'est sous couvert des signes ou des symboles. Merci beaucoup. On avance. C'est un secteur dans ma famille paternelle qui a pris les biens de mon père. Bon, maintenant, merci pour l'information. Vous avez une question. Manipuler son subconscient. Oh oui, manipulation positive, c'est-à-dire en prononçant par des techniques psychologiques constamment ce qu'on appelle affirmation positive ou affirmation négative. Ça s'appelle manipulation psychosomatique, consistant donc à entraîner l'autre d'obéir automatiquement, amenant ainsi le subconscient de l'autre de s'endormir ou d'obéir bêtement à toutes les commandes qui viennent de vous qui êtes conscient. Est-ce que si on consomme l'iboga assez souvent, l'iboga va rendre notre corps astral amer? Non, pas du tout. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. La plante sacrée vous permet simplement de garder votre âme en éveil. L'amertume n'a rien à voir. L'amertume, bon, j'ai peut-être parlé de ça tout à l'heure dans mon enseignement, mais cette amertume, rendre votre corps amer, c'est bien sûr, c'est la consommation de certaines substances amères, certes, parce que votre corps éthérique, en fait, c'est ça, le corps énergétique, voulais-je dire. Parce que votre corps énergétique, justement, c'est ce corps qui se nourrit de tous les nutriments qui résultent des aliments, hein. Poisson, viande, des histoires. C'est pour cela qu'il vous interdit de manger des viandes rouges, des viandes de sang et tout ça. Par contre, si vous consommez beaucoup la verdure, comme le gorille mange seulement de l'herbe, les fruits, les racines. Il ne mange aucun poisson, il ne mange aucun être humain. Il peut être énervé, venir vous piquer, mordre, vous gifler, vous déchirer. Il ne va pas manger la chair. Mais pourtant, c'est l'un des animaux les plus forts. Bien. Donc, à votre question, non, pas nécessairement. Que pouvez-vous dire des corbeaux au niveau mystique? C'est souvent synonyme de sorcellerie. Je suis aux États-Unis, on voit beaucoup de corbeaux ici. Ils aiment manger, c'est des croque-morts, ils aiment manger les corps des gens qui sont morts. Alors, ils ont associé cela à de la sorcellerie. Mais allez-y savoir que ces oiseaux n'ont pas trop d'autres revenus. Ils aiment manger les corps morts. Ça peut être les corps des chiens, les corps des tortues, je ne sais pas quoi, mais souvent... ils ont été exposés beaucoup plus, ils vivent beaucoup plus à côté des cimetières. Et c'est comme ça qu'ils ont été créés. Oui, c'est fort probable qu'il soit synonyme de sorcellerie. Mais cela encore va de la conscience collective des programmés. La conscience collective des programmés veut dire quoi? C'est la conscience collective de tous ceux qui sont rentrés dans les programmations religieuses aussi obsolètes et bizarres. Donc, mais vous, en tant qu'initié, vous n'êtes pas rentré dans cette confusion. Merci beaucoup. Vous êtes étudiant. Bon, okay, là, vous avez dit que vous êtes prêt pour l'étude. OK, d'accord. J'aimerais savoir. Ça, quand je vous fais entièrement confiance. OK. Je suis Camerounais et un homme. OK. Wow, d'accord. Oui, Bernard. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup, Bernard, d'apporter la précision. Parce que je tente de dire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des avatars. Merci. J'espère que vous n'êtes pas fâché quand je dis ça. Maître, je peux parler avec mes ancêtres avec une bougie blanche en priant et en appelant leur nom. Si j'ai suggéré cela, oui, mais je ne vois aucun mal, hein. Surtout vous, si vous vivez dans les pays d'Ablan, vous n'avez pas de choix. Mais moi, quand je suis au Gabon, j'utilise la torche indigène. Et même quand je suis ici, voilà. Je vous avais dit la dernière fois, là, tout le paquet, là. On m'a envoyé ça, c'est là, la torche indigène. Je dois la compiler et la mettre dans la peau d'un arbre. Et puis, allumer ça de temps en temps. Est-ce que oh là là, la personne qui revient, tu vois que les histoires des heures miroirs, je vous ai dit, je n'aime pas parler de ça, s'il vous plaît. Laissez-moi ça. Les heures miroirs, skip it. Le pouvoir de l'eau, oui. Comment faire un bain de purification? Moussa, vous n'avez pas encore écouté ma vidéo où j'explique, même là, avant de venir vous parler, là, je viens de faire ça. La purification par l'eau. Vous venez encore me poser la question sur ça. Il y a un enseignement dessus. Hein? Le bain de purification extrême puissant, ça se passe par l'eau. Et ça dépend de votre discours en l'instant quand l'eau tombe sur vous. Je l'avais expliqué la dernière fois. Il y a des gens même qui sont venus témoigner ici, là, qui ont vu des miracles. Parce que dans leur manière de, sous l'eau, ils ont dit, moi, j'aimerais que mon directeur général là, me donne une promotion. Ils l'ont dit pendant une semaine, je vous dis, la personne a eu la promotion. Donc, l'eau est capable de faire beaucoup de choses. Pouvez-vous nous parler de l'utilisation de l'eau dans les rituels? Oh, vous voulez encore quoi? Je vous ai parlé de la cuvette blanche avec l'eau. L'eau est un canalisateur des ondes positives, des ondes négatives, voulais-je dire, un neutralisateur. Donc, quand il y a des ondes négatives autour de la maison, l'eau les absorbe. Voilà pourquoi. Il vous a recommandé d'avoir toujours de l'eau sous votre lit, sous votre tablette, ou sous votre petit bureau comme le mien là. Il faut toujours avoir de l'eau. Mais cette grande cuvette blanche, avec une précision exacte, cuvette blanche avec 4 citrons, avec du sel, ça c'est pour neutraliser et canaliser les bandes de voyous qui viennent rôder autour de votre maison. Sorciers, baiseurs de femmes à distance, et toutes les conneries et les lorgneurs. Il faut venir vous lorgner, savoir ce qui se passe, écouter vos histoires. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler? Bon, oui. Oh là là, Bernard, merci beaucoup pour votre témoignage que vous avez renoué et vous êtes devenu du coup un véritable initié de nos traditions et vous avez arrêté d'être chrétien. Merci beaucoup, vraiment. Bien, il y avait une question que quelqu'un m'a posée. Pardonnez-moi. Bon, vous allez me permettre, je vais répondre. Quelqu'un m'a posé une question, mais comme ça concerne un rite que moi je ne suis pas initié, ça s'appelle Bilombo. Les Bilombo, il y a une maman qui a posé la question suivante. Pourquoi, dans certains rites d'initiation, par exemple au Bilombo, la mère spirituelle reste pendant toute la durée du rite sans se laver? Quelle est la portée spirituelle de ce comportement? J'ai été initié au Bilombo, mais ça s'est mal passé. Alors, je ne suis plus reparti là-bas, d'où mes interrogations sur cette question. Je veux une réponse de votre part, maître. Alors, la personne qui m'a posé cette question, je vais vous répondre sous couvert de l'une de mes personnes qui sont, elle est initiée dans le bilôme. Donc, je vous en prie, prenez, accordez-moi une minute, je vais pouvoir mettre donc la réponse directement. Attends, je vais m'assurer que peut-être qu'elle n'a pas dit des choses qu'il ne fallait pas dire ici-là. Battery, 80%. BlackBerry BB1005 connected. D'accord. OK. Bonsoir, maître. C'est pratiquement dans tous les rites initiatiques. Normalement, on ne doit pas se baigner parce que on se prépare pour une renaissance. Donc, l'initié est comme une mère qui se présente enceinte à l'hôpital lorsqu'elle n'a pas encore sorti son bébé. Elle ne peut pas se baigner. Et on doit nettoyer le bébé avant la mère. On habille ce bébé avant la mère. Donc, c'est un peu ça. C'est la renaissance d'une bonne mère initiatique qui connaît bien ses rites et traditions, ne doit pas se baigner avant que... En fait, elle doit même se préparer 3 jours avant qu'elle ne commence l'initiation. Et durant l'initiation, elle ne doit pas se baigner. Elle doit attendre à ce que son, on appelle, bon, on peut l'appeler Banji, comme on peut dire, sa fille ou encore son fils doit d'abord tout voir du monde spirituel, de l'au-delà, et puis lorsqu'il revient ou qu'elle revient, on baigne son Banji, on lui donne à manger, et puis après la mère spirituelle se lave. Merci beaucoup, maman. Bon, elle a tenté malheureusement m'appeler, mais je crois qu'elle doit être branchée. Elle est là sur, en train de nous suivre. Bien, pardonne-moi, je sais que tu es en train de me suivre en direct là. Je ne m'ai vraiment pas fait attention, mon téléphone était fermé. Donc, la personne donc, qui a posé la question sur les rites de Bilombo, pourquoi, n'est-ce pas, pendant la durée du rite, là, la mère spirituelle ne se baigne pas. Donc, j'espère que vous avez eu satisfaction à votre question. Ça ne se passe pas seulement dans le Bilombo. Ça se passe également dans certains rites des hommes également, chez nous au Gabon. Il y a certains rites, effectivement, où le maître initiateur est contraint de rester dans cet état de saleté parce que, effectivement, c'est la renaissance nouvelle pour cette personne. Merci beaucoup d'avoir participé de loin et de près. Je garde l'anonymat de la sœur, de la maman qui a pris le soin de me répondre, qui est une initiée également dans nos rites ici. Et merci beaucoup. Et merci également à mon petit frère Patrick qui a fait des efforts et prend le courage de venir partager son témoignage à faire de l'amour à distance, l'amour sexuel à distance, une expérience qu'il a vécue. Et c'est à cause de lui d'ailleurs que cette thématique-là a déclenché le débat de ce soir. Je tiens donc une fois de plus à remercier tous ceux qui de loin et de près ont participé à cette émission de ce soir. Et d'ici là, je souhaiterais que nous nous retrouvions et que je vous souhaite un bon week-end. Si Teta Mwanga le voudra bien, peut-être demain, nous allons nous retrouver à nouveau pour un autre enseignement. Donc, pour le moment, je vous prie donc de pouvoir apprécier notre maman. Maman Poussy, pour clôturer notre live. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Yeah.

Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci encore et bon week-end à tous. Que Tata Mwanga vous bénisse. Et d'ici là, portez-vous bien. Si telle est sa volonté, probablement, demain, nous pouvons nous retrouver pour un autre enseignement. Je verrai en fonction de mon calendrier. Il y a quelqu'un qui me demande de parler du magnétisme. Bon, je comprends que vous êtes nouveau, mais je donne des enseignements sur l'hypnose. J'ai déjà expliqué ce que c'est l'hypnose. Puisque j'ai moi-même un diplôme de l'hypnose théâtrale. Je l'ai reçu de M. Bernard Lancelot, qui est le président fondateur de l'association Alpha International, qui est une association à but non lucratif et pour l'éveil et le développement des pouvoirs paranormaux. Il vous amène jusqu'au grade de maître même de la maçonnerie. Donc là-dedans, il vous donne ces cours-là. Et pour complément donc d'information, je vous prie, vous qui avez posé la question, abonnez-vous. Je vous recommande d'aller auprès de l'association internationale, l'association Alpha International qui est basée à Montpellier. Il faut bien préciser parce qu'il y a une autre Alpha que les Américains ont inventé ici-là. Mais il s'agit de Alpha International Montpellier. Et le fondateur, c'est M. Bernard Lancelot, qui est un ancien hypnotiseur de spectacle. Et je reçus des formations auprès de lui, j'ai des diplômes. À Port-Gentil, j'hypnotisais, j'endormais les gens, j'enfonçais des couteaux, vous ne saignez pas. Et je peux le faire jusqu'à présent. Mais au niveau spirituel où je suis, c'est ça, c'est de la prestidigitation. C'est-à-dire, justement, ça rentre dans la manipulation psychologique. C'est des techniques dont vous êtes le seul maître de la maître qu'on appelle de l'acte que vous posez, parce que vous faites une manipulation psychologique, donc il s'agit de surexciter les mécanismes de fonctionnalité du subconscient de l'individu qui est en face de vous, que vous allez par ordre, c'est-à-dire donner des mots d'ordre, donner des commandes, afin de le mettre ou de la mettre en état d'hypnose à 50%, état mi-éveillé, mi-éveillé. Bref, donc vous qui posez la question, au bas de l'écran, effectivement j'en parle, mais une fois de plus, pour éviter de trop parler, allez-y suivre simplement les enseignements, plutôt Alpha. Abonnez-vous auprès de Alpha International. Ils vous donnent des cours complets sur ça. J'ai également des vidéos disponibles. Au moment venu, je vais vous balancer ça sur le forum. Merci donc de m'avoir suivi. Que tout le monde vous bénisse. Et une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Merci. Et bon week-end. Merci.